dans la vie croisière d'assemblage requis. C'est la dernière émission de notre session estivale et on reçoit évidemment Simon Fitzbé et sa chronique Le Scout des Internets. La vie croisière d'assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à la vie de croisière d'assemblage requis. On est en direct du bateau le SS Requis en ce jeudi 1er septembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marie-Pierre Lafourche-Bourret. Marie-Pierre qui est de retour après une autre semaine d'absence. Oui. T'as le promis, tu ne me laisserais plus jamais seule. J'avais promis, mais j'avais pas pensé à un truc. Tu sais, quand t'oublies quelque chose qui s'en vient depuis trop longtemps. Ouais. C'est ça. OK, voilà. Comme genre la nouvelle saison de l'assemblage requis qui commence la semaine prochaine. Ah, ça, t'oublie pas. Et que je remets à plus tard et qu'il n'y a rien de prêt. Pardon. Sinon, aujourd'hui à l'émission, on va avoir évidemment Simon Fitzbé, lui qui est tellement fidèle à son poste de parleur de choses geek. Oui. On l'appelle un geek parleur. Un geek bois. Comme un pic. Non, ça marche pas non plus. Hein. Non, pas vraiment. Sinon, toi aujourd'hui, tu vas nous présenter, à ce qui paraît, là, des pièces que tu as aimées depuis les dernières années. Ben oui, je me suis dit, parce que, bon, il y a le palmarès, oui, mais pour la dernière émission, je me suis dit, je pourrais proposer mon top 10 de chansons que j'ai beaucoup aimées dans les dernières années. Évidemment, des très bonnes chansons, hein? Ben évidemment, ben c'est toi qui les as choisies. Bon, ça, c'est sûr, ça va avec mes goûts personnels, mais je pense que c'est des chansons qui sont très appréciées en général. Donc, je vous présente ça. J'ai aussi une chronique littérature aujourd'hui. Un livre. Merci de répéter. Un livre. Et j'ai des suggestions de sorties. Ah! Oui, une très grosse fin de semaine à Trois-Rivières. Ah oui, mm-hmm. Et est-ce que tu veux nous parler de ce que tu as fait pendant tes vacances? Ah oui, je pourrais vous en parler aussi. Ça serait bien, j'aimerais ça. Tu parlais qu'on avait un palmarès et que c'était bien beau, là. Mais c'est en effet bien, bien beau parce que, vous ne savez peut-être pas, là, mais depuis les trois ou quatre dernières semaines, on avait le même palmarès qui roulait pendant tout le mois d'août. Là, on a un nouveau palmarès tout frais entre les mains. C'est celui de la semaine du 29 août au 4 septembre 2011 pour bien terminer la saison estivale. Et comme il n'y a pas eu de palmarès pendant un bout, on a pas mal de nouvelles entrées. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 du côté francophone et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du côté anglophone. Mmh. On va entendre tout ça et un petit peu du haut du palmarès. Plus tard dans l'émission, on va entendre peut-être le top 5, top 3 dépendant du temps qui nous reste et on va infiltrer plus ta musique à toi dans le milieu de l'émission. Comme un centre chocolaté dans un Tootsie Roll. Les petits sons qu'il faut que tu liches puis qu'à l'intérieur, il y a comme un genre de chocolat. Ouais, moi, je pensais que tu allais parler des Reese, là, genre le beurre peanut dans le chocolat. Si tu veux qu'on parle de Reese, on va parler de Reese. Donc, moi, les Reese, ce que j'aime, c'est les Reese's Pieces. T'sais, c'est comme les petites crottes de Reese's. C'est tellement bon, ça. Ah, moi, j'ai de la misère avec les Reese. Ah, les gros choses. Ouais, okay. Je trouve ça pâteux. Pâteux? OK. Ouais. Ben, peut-être que tu devrais essayer d'autres sortes comme les Reese's, le chunky, là, tu sais, qu'il y a des grosses peanuts dedans. Là, c'est super bon, ça. Mathieu connaît ça. Ouais. Ah, on se fait une chronique complète sur les différents produits de la compagnie qui produit Reese's. Peu importe qui elle est ou son nom. Donc, on va commencer avec un petit bloc de nouvelles entrées, pourquoi pas. On va entendre tout à l'heure Camp Radio avec un nouvel album qui s'appelle Campista Socialista. C'est la pièce The Girl Who Stole My Motorbike. Mon début en 20e francophone. Voici les vulgaires machins et un extrait inédit sur un nouvel album de compilation de pièces inédites et ou, j'imagine, vieilles. En fait, est-ce que c'est des nouvelles pièces ou des vieilles pièces? On va se renseigner là-dessus pendant la pièce. Hein? Ça a l'air nouveau. Si je marquais Vulgaire Machin, il n'y a rien d'autre dessus. En tout cas. Donc, Vulgaire Machin avec Je chante pour les sourds, tout de suite, au 89.fm. Les nerfs abîmés, j'ai un peu trop martelé dans le vide. Malmené par le doute et les cordes vocales en ruine. Seulement tout ce qu'on prêche, on le mettait en pratique. Ma dernière abstraction, des vies toutes seules dans l'abîme. Quand je n'ai que l'apathie et la promesse d'en pleurer, je suis mon ennemis.

Camp Radio avec The Girl Who Stole My Motorbike en position numéro 20 anglophone. Et juste avant, c'était Les Vulgaires Machins avec Je chante pour les sourds. Et t'avais raison, c'est un album acoustique des Vulgaires Machins. Ben oui, puis selon ce que je vois, bon, sur la pochette, il y aurait 3 inédits, puis le reste, je connais pas beaucoup Vulgaires Machins, mais j'ai l'impression que c'est des chansons qui ont reprises. Mm-hmm, demain. Et ce qui est drôle à l'intérieur, c'est que bon, c'est un album acoustique, et je pense qu'il y avait... Il n'avait pas eu l'intention de faire un album acoustique avant de le faire. Ça a l'air d'avoir sorti comme ça parce qu'à l'intérieur, c'est drôle, il y a des petits commentaires par rapport aux albums acoustiques. Il y a par exemple, c'est un Louis Carrière qui est comme leur agent de spectacle, on va dire ça comme ça, qui dit « Je vous aurais suggéré de faire un album acoustique, vous m'auriez envoyé chier. » Il dit ça. Donc, c'est tout des trucs comme ça. Fait que peut-être que le fait de faire un album acoustique, ça allait à l'encontre avant de ça des idées. Faire. C'est ça, ben oui. Oui, parce qu'il y a aussi Sylvain de Sorel, qui est écrit dedans. Il dit, juste en passant de même, si vous faites un album acoustique, comme toutes les pip, ben qui pip, je vous renie. Voilà. Ah, bon. J'espère que c'est pas le cas. Ah, je sais pas. Sylvain de Sorel va-t-il laisser les Vulgaires Machins? Ah, ah. Est-ce qu'il va les aimer encore? Est-ce que ça va passer le test? On ne sait pas. Ah, donc, Vulgaires Machins avec leur nouvel album qui se nomme, ma foi, Vulgaires Machins pas mal, hein? Comment ça? Juste Vulgaires Machins. Ils se sont dit, on va faire un album acoustique puis on va le nommer le même nom que notre band. On va être très originaux. Voilà. J'aime ça. Alors, on va continuer avec un autre bloc de palmarès de nouvelles entrées. En fait, du côté anglophone, tantôt, il y aura Darlings of Chelsea avec You're Not a Rolling Stone, mais on débute avec Charlie Foxtrot. Ça, c'est des anciens de MAP, comme on dit, le groupe MAP. Leur nouvel album s'appelle Mise en Abîme. Voici Éternel Pessimiste au 89 FM. C'est fou. Merci, Darlings. Darlings of Chelsea. On va les écouter dans une autre dimension. On va aller dans une dimension alternative à la vôtre pour aller entendre cette pièce-là au complet, j'espère, sans arrêt. Idéalement. Et si elle arrête une autre fois, ben, ce sera une nouvelle entrée qui a duré une semaine. Donc, Darlings of Chelsea, encore une fois, voici You're Not a Rolling Stone sur C'est Fou. Hein? Pas de chose à dire. Malaisant un peu, peut-être. Ben non. Quoi, tu joueras pas du tout dans celle-là, quoi? C'est quand tu veux, hein? C'est quand tu veux, quand tu veux. C'est toujours à la vie de croisière d'assemblage requis. On va prendre un petit moment pour respirer, reprendre le nos groupe airs. Veut pas jouer. Non, ben c'est ça. Ils se sont dit, Colin, eux autres aussi ont un bateau sur leur couverture d'album. Peut-être qu'eux, ils ont pris un... Ils ont pris le large. Oui, ils ont pris le large. Bon, mais elle ne devait pas jouer. Laissons faire. On va revenir en onde avec. Avec quoi d'autre? Est-ce qu'on continue avec un autre bloc? Eh bien, donc, d'abord, je vais vous parler. J'ai une petite suggestion pour vous. Bon, je ne sais pas. Pour les étudiants de l'UQTR, s'il y en a qui sont anciens, donc qui ne sont pas à leur première année, ou s'il y a des nouveaux qui nous écoutent, ou des gens de Trois-Rivières qui aiment l'improvisation. Ah, ben, qui n'aime pas l'improvisation? C'est très, très... à Trois-Rivières, c'est le fun parce qu'il y a deux ligues. Bon, il y a la LIM, la Ligue d'improvisation mauricienne, qui joue l'année passée, je crois que c'était les mardis. Et à l'université, il y a la Ligue d'improvisation de Trois-Rivières, donc de l'Université de Trois-Rivières, qui s'appelle la Luître. Et la Luître joue habituellement les lundis soirs à la Chasse-Galerie, au bistrot La Chasse-Galerie. Mm-hmm. Et cette année, avant que la saison commence, avant qu'il y ait le camp pour recruter des membres dans les équipes, il va y avoir un match promotionnel le lundi, le 12 septembre. C'est donc pas lundi qui s'en vient, l'autre après. C'est l'autre d'après. Donc, le 12 septembre, à 20h, soyez-y, c'est à la Chasse-Galerie, un match promotionnel qui va affronter, dans lequel vont s'affronter les anciens joueurs de la Luître et les joueurs actuels. Donc, c'est à voir et c'est totalement gratuit. L'année passée, c'était les Oranges qui avaient gagné, si je me rappelle. Oui, si je me trompe pas, c'est les Oranges qui ont gagné. Mm-hmm, pas le fruit, la chandail, la couleur de chandail. C'est ça, et les Oranges, ça va bien avec les limes, mais la lime, c'est l'autre ligue, c'est pas la Luître. La Luître, ça, c'est bon avec la lime, mais c'est pas la même affaire. T'sais. Non, c'est une grosse salade de fruits. Hein? Ah, miam! Miam, miam, miam. Bon appétit à ceux qui mangent, d'ailleurs. Bon, on va retourner avec nos nouvelles entrées du palmarès. Non, mais je cherche de quoi dire, c'est comme ça. Ça sort de ma bouche tel fruit de mer, quand t'es allergique aux fruits de mer. Ouais. Donc, prochaine position du côté anglophone, ce sera Library Voices avec un extrait qui s'appelle « If Raymond Carver was born in the 90s » sur leur album « Summer of Last ». Mais on débute avec la 18e franco. Voici « OK Volca » avec Facteur Temps. Et « OK Volca », ce sont les mêmes qu'on entend encore fréquemment. C'est fou, il y a quand même beaucoup de monde qui les font jouer. C'est très, très bon. Par contre, ça crie beaucoup. Fait que vous êtes avertis, si vous n'aimez pas les cris, écoutez l'appareil puis il y a Je vais sortir du studio. Non! Les petits cris, les petits... Ruff, ruff, ruff. Allez, Mathieu. C'est bon qu'elle va jouer au complet, celle-là. Vous êtes assez fous. J'arrive à peine C'était OK Volca avec Facteur Temps en position numéro 18 francophone. Ça vient de l'album Fréquence Trémor. Je vous avais promis qu'on jouerait Library Voices, mais ça attendra la semaine prochaine en position numéro 18 anglophone. C'est malheureux parce que j'adore Library Voices, mais bon, on peut pas la jouer, c'est de même. Il y a des raisons comme ça qui valaient pas la peine d'être expliquées. Mais on peut pas. Qu'est-ce qu'on va aller écouter? Rien. On ferme la station. Bon. C'est fini. C'était la dernière émission aujourd'hui. De toute façon, si on le savait, fait tant qu'à ça, on s'est dit, si on enlève un plaisir de la vie comme la vie de croiser l'assemblage requis, ben pourquoi continuer? Mais on peut, vous pouvez pas fermer la station comme ça parce que non. Vous recommencez mardi. Ah ben mon Tadine. C'est ben trop vrai, ben trop raison. Mardi à 7h du matin, à l'émission Assemblage requis, la version normale, sans sous-titre, sur-titre, avant-titre ou après-titre. Juste titre. Assemblage requis avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante, ça c'est moi. Lundi au jeudi, sauf que la semaine prochaine, on commence mardi étant donné qu'il y a un congé lundi. Là. Hein, nous aussi, on a besoin de congé une fois de temps en temps. 7h à 9h, heure de l'Est, avec plus de musique, plus de chroniques, plus de plaisir et plus de moments confortables. Et nous qui essayons de nous réveiller en même temps que vous, mais à la radio. C'est un bon moment. Donc, mardi prochain, 7h. Toi puis moi, par contre, toi puis moi, je te dis pis de même comme si c'était dans un salon en train de discuter. Toi et moi, Marie-Pierre Laforge-Bourret et Mathieu Plante. Oui. Tu peux m'arrêter et parler à ma place. Ça, on va animer ensemble les Palmarès C'est fou tous les jeudis entre 14h et 17h. Oui. Tu vas te joindre à moi comme ça pour animer de façon magistrale comme tu l'as fait tout l'été. De façon magistrale. Ben, cherchez un mot puis c'est le premier qui est venu. Qu'est-ce que je te dis? Mais bon, ça va être très très bon. On va jouer un top 40 un petit peu plus garni qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ce qu'on fait, étant donné qu'on a seulement 4h et un paquet de chroniques à faire, on va jouer les nouvelles entrées. Ensuite, ton palmarès à toi des dernières années et puis un petit peu du sommet du palmarès à la fin de l'émission. Mais la semaine prochaine, on va revenir au format normal. C'est-à-dire les deux top 20 de chaque côté. 20-20, 19-19, 18-18 jusqu'au 1-1 pendant 3 heures. Pas de contenu pantoute. Juste nous autres en train de niaiser. Puis de la bonne musique. Hein? Non? Ah. C'est à peu près ça le format. Ça a l'air plate un peu du demain, mais bon. Ça va être très bon. Mais oui, Mathieu. Alors, on continue avec les positions numéro 17 du côté anglophone. C'est The Megaphonic Thrift avec Sister Joan. Et on commence avec la position numéro 17 francophone. C'est Monogrenade. Voici Immobile sur leur album Tantale à la vie de croisière. D'assemblage requis. Puis après ça, ben, je vais te faire imprimer un palmarès parce que j'ai l'impression de parler de ça. Non. Ah, moi, je t'écoute. OK. T'es fait. Je veux rester planté là. Il m'a le temps fait si bien. Avec toi, il m'a béé. nouvelle entrée. Megaphonic Thrift et Sister Joan en position 17 anglophone sur l'album des KDK. Et avant, c'était Mono Grenade avec Immobile, je sais plus ça, sur l'album Tantal. J'ai passé la commande d'impression de ton palmarès. Marie-Pierre, ça s'en vient. Merci bien, merci bien. C'est long, la technologie en 2011 n'est pas encore rendue. On peut avoir l'impression rapide, là, c'est encore vieille technologie. C'est comme un télégramme chanté qui nous envoie, que tu vas devoir prendre en note dans ton cahier après. OK. C'est super. Donc, Marie-Pierre, tu as un sujet pour nous, discussion? Plus ou moins, ouais. J'ai une suggestion à vous faire. Okay. Cette fin de semaine à Trois-Rivières, ça bouge. Okay? C'est assez étonnant. Bon, début septembre, la rentrée, et ça bouge. J'ai quelque chose à vous proposer. C'est une sortie théâtre marionnette. Ah. Bon, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines. C'est les Sages-Fous. C'est une compagnie de théâtre marionnette installée à Trois-Rivières. Mm-hmm. Et ce qui se passe en fin de semaine, c'est que le 2, le 3, le 4 septembre... Donc ça, c'est demain jusqu'à dimanche. Exactement. Oui, vendredi, samedi et dimanche, oui. À 19h tous les soirs, pour 12$, vous pouvez assister à une des présentations des Sages-Fous. La pièce, ça s'appelle, attention, c'est le Cirque Orphelin. Mm-hmm. Et ce qu'ils nous proposent, c'est un univers un peu, un univers spécial. Spécial. Tu sais quand tu dis c'est spécial. Ouais, c'est différent. Oui, c'est très, ouais, ça va être... Particulier. Ça va être très, très particulier parce que bon, ils décrivent ça comme... eux, ils se décrivent comme des dompteurs de marionnettes sauvages. Ah. Ça donne des drôles d'images. Ouais. Ils disent que c'est un univers paradoxal, un univers grotesque. Donc, on peut s'attendre à peu près n'importe quoi. Et j'ai l'impression que c'est plus des marionnettes pour adultes que pour enfants. Voilà. Amenez pas tout le monde de tous âges. Amenez là-bas. Pas votre petit neveu de 8 ans voir la pièce de théâtre parce que je sais pas si ça va bien passer. Donc, si vous voulez y assister, je le rappelle, c'est le 2, 3, 4 septembre. Vous devez absolument réserver votre place. J'imagine qu'il en reste encore, même si c'est dans bientôt. Donc, dépêchez-vous. Et pour acheter les billets, vous vous rendez... c'est à l'Office du tourisme de Trois-Rivières, dans le centre-ville. Le gros point d'interrogation. Le gros point d'interrogation. Donc, dépêchez-vous, c'est le cirque orphelin de la compagnie les Sages-Fous. Oui. C'est comme ça qu'on nous appelle souvent, c'est fou. Parce qu'on est tous très sages. Et ça se trouve, leur atelier, parce que oui, vous allez assister au spectacle, mais dans l'atelier où les marionnettes ont été créées. C'est une bonne idée, ça. Oui, ça, c'est très chouette. Et ce fameux atelier, c'est sur la rue Saint-François-Xavier, à Trois-Rivières, donc dans le Vieux-Trois-Rivières. Tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. On retourne avec du palmarès. Nouvelle entrée, encore une fois, du côté anglophone, on va entendre les Beastie Boys. Ou Beastie Boys. Avec, pourquoi je fais ça? C'est en 16e position anglophone. Et avant ça, du côté franco, c'est Philippe Bay. Voici une nouvelle pièce. Petite leçon. Pas petite, là, c'est juste petite, mais quand même. Bon. Petite leçon des ténèbres, tout de suite, au 89 FM. C'est la vie de croisière d'assemblage requis, dernière de la saison estivale. Bon, on va pouvoir pleurer parce qu'il nous joue une petite chanson triste. Bon. C'est la fin. Maman, c'est fini. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Ah, c'est fou. Copyright à la TVA. Mais... Quand le vieux soleil a retrouvé ma tête, quand mille corneilles viendront troubler la fête, quand viendra le soir sur la ville conquise, quand il fera noir jusqu'au fond des églises, je fermerai toutes les lumières de l'appartement une à une, lentement, comme une prière. Je garderai les yeux ouverts, je verrai plus clair en dedans, en dedans. Pour toi aussi. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Vous êtes à bord du SS Requis. Attention, requin. Numéro 16. Nouvelle entrée. J'aime la fin de cette pièce-là, wow! Ça fait penser aux vieux jeux vidéo sur la Nintendo originale. Les petits jeux de combat dans la rue, je ne me rappelle pas c'était quoi le nom, mais en tout cas, c'est super le fun, ça, fait comme... ça sonnait comme ça. Beastie Boys avec une pièce de leur album Hot Sauce Comedy Part 2, c'était C-Hit en position numéro 16. Et avant ça, c'était Philippe B avec Petite Leçon des Ténèbres sur l'album Variation Fantôme. Vous êtes toujours à la vie de croisière, l'assemblage requis avec Marie-Pierre, Laforge Bourré, Mathieu Plante. Dis vite de même, ça fait comme une syllabe, mais bon. En fait, ça fait plusieurs syllabes, mais dans une bouche qui parle vite. Hein? Ouais. Ça, c'est ça. Ça fait la réalité de la chose, finalement. C'est comme. C'est ça. Il est temps qu'on retourne le matin, je sais pas. On dirait que le matin, on était comme pas en forme le matin, on dirait. T'sais, je me sentais pas super en forme le matin. Là, je me suis dit, crime d'été, on va être encore plus en forme, puis j'ai encore plus de niaiserie. Mais... Bon. Non? Mon humour est pas là. Il doit pas exister, en fait. Je le cherche depuis longtemps. Avant de continuer, tantôt, tu vas nous faire une petite chronique littérature. Oui, je vais vous parler d'un recueil de poésie. Ah, donc plusieurs suggestions de lecture dans un même livre, genre. Non. Le recueil de poésie d'un seul auteur. OK, mais des différents poèmes. Oui, différents poèmes. Donc, différentes lectures. Comme moi, si mettons, je suis vraiment un lecteur lent, je pourrais lire juste une histoire à la fois. Tu pourrais lire un poème par jour. Bon. Pourquoi pas? Et voilà. Là, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Donc, prochaine position, c'est les 15e du côté anglophone. C'est Timber Timber que t'adores. Oh. Et même avec une pièce que tu nous as déjà fait jouer cet été. Oui. Et d'ailleurs, si vous avez la chance d'aller les voir en spectacle, garochez-vous. Garochez-vous. Voilà. Garochez-vous. Mettez-vous un timbre Timber Timber sur la poitrine et puis shippez-vous au prochain spectacle de Timber Timber. Ouais. C'est simple, ça. Du côté francophone, on va commencer avec Bradycardi. J'ai jamais entendu parler de Bradycardi et j'ai bien hâte d'entendre parce que ça m'a l'air fascinant. Leur album a une jolie petite pochette très, très, comment on pourrait dire, musicale. Oui. On pourrait. Et colorée. Coloré, en effet, c'est un autre qualificatif. Moi, je vois, j'essaie de l'analyser un petit peu des montagnes de neige, je dirais, en haut, hein, non? Ben, de l'eau. En fait, OK, la pochette, je vous la décris, ouais. C'est en haut, c'est bleu et blanc, donc un ciel, mm-hmm. ce qu'on peut dire. Ah, un ciel, oui. Et en bas, ça a l'air soit d'une montagne ou d'un champ de blé. Ah. Et en bas, il y a du rouge, on ne sait pas c'est quoi. OK, du sang. Ça serait mieux pas. Et dans le milieu, tu as des notes de musique. Là. Ouais. C'est très joli, c'est bien fait. C'est une belle pochette. Bradycardi, on écoute la pièce « Et si jamais », et puis c'est ça, c'est la vie de croisière l'assemblage requis. C'est ça de même. Je pense que ton télégramme chanté s'en vient. La prochaine position. La, la, la, la, la. C'était-tu comme ça qu'il faisait des télégrammes chantés? Je sais pas. Pour dire bonne fête, mettons. Avec un petit xylophone comme ça. Petit drum. J'arrête, OK. Nouvelle entrée. Well, I had done some truly awful things,

Miracle Fortress avec Tracers en position numéro 14, c'était une nouvelle entrée. C'est la fin de la première heure de La Vie de Croisière d'Assemblage Requis. On revient tantôt et dans la deuxième heure, on va avoir plein de bonnes choses. Je sais que Simon Fitzbick s'en vient avec son scoop des internets. Pas de bon, ça? Moi, je vais peut-être avoir un petit quelque chose pour vous aussi. Tu m'as supplié, tu me l'as demandé si gentiment. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Des faits! Ben, vous allez en avoir des faits, c'est ça que vous voulez. Madame! Non? Ah ouais. Je t'appelle pas madame, non? Non. OK. MP? Marie-Pierre, MP? Ouais, mettons. MPLB? Ah non, ça va. Maple B? Marca, ça va. Non, Maple B, ça fait une abeille à l'érable. C'est le fun, c'est une abeille à l'érable. C'est comme... Ouais. C'est pas à ton image, parce que c'est une abeille à l'érable, c'est comme moitié dégueulasse, moitié super bon, mais... C'est pas vraiment dégueulasse. OK. Donc, on vient tantôt, reste là. Oh, wow. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Bonjour, c'est la deuxième heure de La Vie de Croisière d'Assemblage Requis, votre émission estivale en pièces détachées avec Mathieu Plante et Marie-Pierre Laforge-Bourret qui mérite de bien meilleurs compliments qu'elle n'est pas dégueulasse, comme j'ai dit tantôt. C'est tellement pas voulu. T'es jolie et très sympathique, Marie-Pierre. Pendant qu'elle n'est pas là, je peux la complimenter à la tonne. En fait, je le ferai pas. Ce serait trop, je pense, trop en mettre. On va commencer cette deuxième heure avec non pas du palmarès et non pas le petit palmarès que Marie-Pierre nous a préparé. À la place, une bonne vieille pièce qu'on aime faire jouer à Assemblage Requis, que vous allez entendre une fois de temps en temps cet automne aussi, parce qu'on va revenir à tous les matins de 7h à 9h à partir de la semaine prochaine, à partir de mardi le 6 septembre. Donc on écoute une pièce de Yes Ayer, voici Mondegreen. Tout le monde l'aime celle-là. Tout le monde, tout ça, c'est bon, regarde ça. C'est déjà bon, hein, c'est... runs, perhaps a spiral in the air. Put your shoulders to a safe stop and build a stay away. Put all them bills and make me shake. We're still a shout and run about. Put all this time, I want you cry out. Everybody sugar in my bed. Everybody cows in my head. Everybody disaster us. Everybody's all after us. Everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody. Let's go. Knuckle Down de la formation Madman à la vie de croisière d'assemblage requis. Avant, c'était Malajube avec le morceau Radiologie, celui qu'on fait jouer depuis quelques semaines parce qu'il est tellement bon puis on a envie que ça soit sur le palmarès un jour. À un moment donné, il faut donner des indices au monde. Bon, comme je disais, toujours à la vie de croisière d'assemblage requis. Et maintenant, je t'informe, Marie-Pierre, que ta demande a été approuvée. Voici donc la chronique, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les trois V, les quatre doigts de la main ensemble. À la radio, il faut tout le temps l'expliquer. Hein, c'est, faudrait faire des affiches. Donc, c'est un fait commence en fait spécial aujourd'hui, spécial chronique. C'est un fait avec seulement des faits rapides. Tu sais, d'habitude, dans la chronique, je fais des petits faits rapides, puis à un moment donné, des faits plus expliqués. Là, c'est que des faits rapides là, en rafale. Là, tu vas tomber en pleine face. D'accord? Premier fait. Je vais commencer par un intéressant. les gens qui regardent la télé, les Américains en moyenne, okay, regardent 5h13 de télé par jour, en moyenne. Par jour? Par jour, maintenant. C'est à son plus haut de tous les temps. OK, ben mettons, il faut que tu en écoutes un peu le matin avant d'aller à l'école ou d'aller travailler. Peut-être, oui. Tu sais, un bon une heure, là, donc ouais. Tu te lèves plus tôt, tu déjeunes en écoutant la télé. Et le soir, tu reviens, j'imagine que tu l'allumes en soupant. Oui. Et t'en écoutes un petit 2 heures en soirée, puis t'arrives à faire 5 heures. C'est à peu près ça. Hein? C'est pas dur à faire 5 heures de télé, vraiment, ça passe vite. Imagine, en même temps, ça veut dire qu'il y en a qui en font beaucoup plus que ça, oui. Puis qu'il y en a qui en font beaucoup moins. Et Colin, c'est de ouais. Quelqu'un qui fait 8 heures de télé, là, je sais pas comment il fait. Je sais pas trop, moi non plus. Je sais pas où tu prends le temps. J'imagine que t'as pas tant de travail que ça dans la vie. Hein? Ça arrive. Mais c'est pas toujours de l'écoute active, comme tu dis. T'sais, des fois, peut-être que t'es au bureau, puis une télé qui joue dans le coin. Peut-être que ça vient compter là aussi dans le sondage. Je sais pas. Ça peut arriver. Pas obligé de tout écouter dans la vie pour écouter la télé, t'sais. Selon le site web de la compagnie de bonbons qui fabrique les Jolly Ranchers, tu connais les Jolly Ranchers? Oui. C'est bon, c'est ben trop intense, je trouve, comme ça va, les Jolly Ranchers. Tu t'en tellement vite. Bref, le nom a été choisi pour suggérer une compagnie western, genre, t'sais. Ouais, genre sympathique, emballante. Jolly Rancher, ça fait cowboy. Pour ceux qui ont choisi. C'est, mettons, tu le mets aux pommes, mais sur le dessus, tu mets une image de cheval. On verrait le lien un peu. Ah, ben ouais. La légende de l'aluminium, David Reynolds. Tu connais la compagnie Reynolds là, qui fabrique le papier d'aluminium Reynolds? Hein? C'est ça, quand même. Hein? Donc, il est mort à l'âge de 96 ans. Savais-tu qu'il a donné à sa femme des bijoux en aluminium? La chance. Mais elle préférait les métaux plus précieux, mais elle acceptait quand même ses bijoux en aluminium. Ah. Elle avait pas très le choix. Pas vraiment, non. On connaît tous la phrase là, que je vais traduire comme ça, tu me diras la vraie traduction c'est quoi, mais tu peux, tu sais, t'as rien qu'à avoir peur de la peur elle-même, tu sais, la peur elle-même, avoir peur de la peur elle-même. Ouais. C'est quoi cette phrase-là, tout le monde ça, t'as à peur. À peu près, mais je sais pas c'est quoi les mots exacts de l'expression. C'est pour ça qu'on patine un peu sur cette phrase-là en ce moment. Mais la peur des peurs existe pour vrai, c'est la phobophobie. Tu sais, on comprend phobie, phobophobie, c'est comme deux fois la même affaire. Bon, c'est la peur des phobies elles-mêmes. Le petit bonhomme sur les crayons Bic. Oui. C'est un petit bonhomme de dessiner là-dessus. Il y a un nom. Oh. Devine le nom du bonhomme sur les crayons Bic. Bic. Bico. Ah, Caroline, tu l'as eu dès le premier. C'est Bic Boy. Bic Boy. Bic Boy. Okay. Bic Boy. Pas super. Ça peut être Bico, quelque chose d'un petit peu plus original, mais bon, c'est un petit peu plat. Tu t'es toujours demandé, j'en suis certain, pourquoi il y a juste une seule schtroumpfette, une seule fille dans les schtroumpfs. C'est tellement sexiste, hein? Je trouve ça un peu malsain, en fait. Parce que tu te dis, comment il peut avoir autant de schtroumpfs avec une schtroumpfette? Ah, elle est productive. Mais il y en a des plus jeunes, là. D'où est-ce qu'ils sortent? Elle a schtroumpfé pas mal. De tous les côtés, elle a schtroumpfé de tous les côtés. Ouais. Donc, le créateur Peyo des schtroumpfs a dit que la schtroumpfette est votre mère, votre sœur et toutes les femmes du monde. Elle représente toutes les femmes. C'est un tendre, hein, Peyo. Ouais. C'est un tendre. Bon. Mais il y en a une petite aussi, une petite. Je sais pas c'est quoi son nom, ça doit pas être schtroumpfette, mais rousse. Petite schtroumpfette rousse. Ah ben, je savais pas ça. Tu vois, tu me prends quelque chose. Il y a des rumeurs sur Internet qui courent, là. Et là, c'est un jeu de mots avec la compagnie Adidas qui court, des rumeurs qui courent, des souliers. Donc, Adidas ne veut pas dire All day I dream about soccer, parce qu'il y a bien des gens qui disent ça. Genre, toute la journée, je rêve de soccer. All day I dream about soccer, les initiales. Bon. Non, en fait, ce n'est pas vrai. C'est complètement faux. Ça vient du fondateur de la compagnie, Adi Dassler. Adi, c'était son prénom. Dassler, c'est son nom de famille. Il a démarré la compagnie en Allemagne en 1949. OK, j'avais pas trop compris, tu parles bien de A-D-I-D-A-S. A-D-I-D-A-S. OK. All day I dream about soccer. Il y a des gens qui pensaient que c'était ça, mais ce n'est pas ça. Les noms d'ouragans. Tu sais que les noms d'ouragans sur... Attends, il y avait plusieurs faits là-dessus, je vais retrouver l'autre. Ah, non, je vais commencer par lui, je reviendrai sur l'autre plus tard, mais les noms des ouragans en 2011, celles qui vont suivre Irène, il y a eu Irène récemment, les prochaines vont être José, Katia, Lee, Maria, Nate, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince et Whitney. C'est drôle parce que c'est ça, habituellement c'est en ordre alphabétique. Exactement, oui. De filles dans ce cas-ci, je crois. Peut-être, non, il y a des gars là-dedans, Vince. Ouais, habituellement, je croyais que c'était des filles, mais peut-être que ça a changé. Apparemment que non. L'échelle pour classer les ouragans, une catégorie 1 à 5, il y a des catégories d'ouragans. On appelle ça l'échelle Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale. L'échelle Saffir-Simpson, je ne sais pas ça. Google du tout. J'ai vu le mot Google, mais c'est pas ça du tout. Steve Jobs, je me mélange dans mes faits, moi. Steve Jobs, d'accord, le grand PDG d'Apple qui a pris sa retraite récemment de la compagnie, il a déjà appelé Google, d'accord, pour leur dire que l'effet de dégradé sur les lettres O de leur logo dans l'application, parce qu'au début, quand l'iPhone est sorti, c'était pas des applications que tu téléchargeais, c'était des applications web. Il fallait que tu visites une adresse web et puis tu pouvais faire un raccourci sur ton iPhone. L'icône de Google, l'effet de gradient, le genre de dégradé dans le haut, n'était pas plaisant selon Google. Il n'était pas de la bonne couleur, de la bonne teinte. Donc, Steve Jobs a appelé Google pour dire « Vous devez réparer votre application iPhone, votre icône, pour que ce soit plus beau. » Pour la présentation du iPhone en direct devant public. Quand même, hein? Comme les humains, les vaches... Ah oui, ça, je l'aime. Je t'ai donné un petit avant-goût de ma chronique. Ouais. Dit, voilà, c'était bon, j'espère. Donc, les vaches, elles font « meuh » avec un accent qui est spécifique à leur région. C'est juste ça le fait. On n'a pas de preuves, on n'a pas de vidéo, on n'a rien. C'est juste. Mais on peut s'imaginer qu'est-ce que ça peut donner. Mettons au Québec, c'est me. Ouais, genre me. En France, ce serait à me. À me. Au Québec, c'est genre me. Me. Oh, me. OK. Donc, les vaches, j'aime ça. J'aime vraiment ça, savoir ça. C'est super. Drôle. Je sais pas si les. J'avais pas lu un article là-dessus que les bébés aussi, c'est la même chose. Que leurs cris, leurs pleurs, c'est différent dépendant de la région. Je crois que oui. En tout cas, il y a assez de calories, on reste dans le domaine des éléphants, étrangement. Il y a assez de calories dans un seul éléphant pour soutenir un humain pendant 8 ans. Si on mangeait l'éléphant. Si on mangeait l'éléphant au complet, évidemment, ce qui n'arrivera pas nécessairement. J'avais un autre fait là-dessus, mes fils sont pas dans l'ordre. Attends, je vais le retrouver. Faut que je le trouve. Ah oui, non. Oui, OK. 2000 hamburgers en bourgeois de McDonald's. OK. Ça, c'est environ le même. C'est environ l'équivalent d'une vache au complet. Donc, 2000 hamburgers de McDonald's, c'est une vache au complet. Ils sont mangés à chaque 4 secondes. 2000 hamburgers, une vache au complet par 4 secondes. Ooh. Dans le monde, là, puis en moyenne, donc c'est 24 heures sur 24, j'imagine. C'est beaucoup de vaches. Ouais. Beaucoup trop de vaches. Changeons de sujet un petit peu ici. Pas vraiment, vous allez voir. Sur les 16 membres du cabinet de George Bush en 2001, George W. Bush, 13 étaient des millionnaires. 16. Parmi les 16, 13 étaient millionnaires. Incroyable. Les formats de papier, tu connais les formats genre A4, tu sais, les feuilles légales, 11 par 14, 11 par 8, ben, 8 par 11. 11 par 14. C'est ça. Ils ont tous des chiffres genre A4, là, des standards. Donc, si on continue à partir de A4 et qu'on descend A3, donc si on descend après A3, un morceau de papier de A34 fitterait à l'intérieur d'une cellule humaine. On serait tout petit, A34, si on continue la lignée des chiffres. Alors que A-47, ce serait plus gros que la Terre au complet. Bon. J'imagine que c'est comme exponentiel, tout ça, cette affaire-là. C'est joli, hein. Plus de 2/3 des personnages dans les rêves des hommes sont des hommes. Plus de 2/3 des personnages dans les rêves des hommes sont des hommes, alors que les femmes rêvent également des deux sexes, 50-50. OK. Dans les rêves des hommes, okay. les personnages qui sont créés par tes rêves, là, qui viennent je sais pas de quelle inspiration. Les hommes rêvent à 60% d'hommes et voilà. Les femmes rêvent 50-50. Et c'est exactement ça, quand tu comprends bien. ensuite, on parlait tantôt d'ouragan. C'est masculin, c'est pas mal. L'ouragan, un ouragan, oui. Donc, le 11e ouragan atlantique cette année sera nommé Katia, comme on l'a dit tantôt, parce que le nom Katrina a été retiré de la liste. On n'utilisera plus le nom Katrina parce qu'elle a causé tellement de dommages qu'on a décidé d'enlever le nom Katrina. Mais je crois qu'ils peuvent pas le réutiliser. Dès que le nom a été utilisé, il faut qu'il saute à autre chose avec le mettre, non? Non, justement... proche, mais c'est bizarre la façon que ça fonctionne. J'ai pas tous les détails, mais les ouragans atlantiques, les noms des ouragans dans l'Atlantique sont recyclés à chaque 6 années. Ah. À chaque 6 ans, on peut reprendre les mêmes noms. OK. Ça explique un peu la chose, mais pas tout, mais quand même. Le plus grand parc de voitures au monde est au Canada. Oh. Parc de voitures, stationnement. Donc, c'est au West Edmonton Mall de l'Alberta au Canada. Ah, ça, c'est l'immense centre commercial. Exactement. OK. 20 000 véhicules dans ce stationnement. J'ai jamais vu, j'ai entendu parler de ce centre d'achat-là. On va aller googler ça, voir. Il y avait des baleines à l'intérieur, un genre de zoo, des manèges. Oui. Ça a l'air effrayant. C'est écœurant, c'est vraiment génial. Je trouve ça super beau. Ben, des manèges, tout à fait. Des gros manèges des ça. Baleines aussi. Ou des gros drapeaux du Canada aussi, bien sûr, quand même, tout au Canada. Mais c'est ça, j'ai allé en Ontario la semaine passée et j'étais surprise de voir à quel point il y avait des drapeaux du Canada sur... devant les maisons. C'est patriote, c'est patriotique. C'est très, très... Ouais. Puis on n'était pas si loin en Ontario, là, du Québec. Ouais. Et c'était très, très drapeau du Canada. On voit pas autant de drapeaux du Québec qu'il y aurait de drapeaux du Canada dans le reste du Canada. Non, c'était à tous les deux maisons à peu près. Qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? Je sais pas. Bizarre. Pas aussi patriote. OK. Savais-tu que chaque chose qui est vivante peut être mise sous anesthésie? Tu sais, anesthésie, c'est endormir. Là, bon. Même les plantes. On peut endormir les plantes parce qu'elles sont vivantes. Ah, là, je trouve ça bizarre. C'est bizarre, mais c'est vrai. Tu connais sur Facebook, on utilise en anglais peut-être plus qu'en français le mot unfriend. C'est unfriend, ça veut dire tu vas unfriender quelqu'un, tu vas l'enlever de ta liste d'amis, tu vas le bannir un peu de ta vie sociale sur Facebook, etc. Mais le verbe unfriend ne vient pas de Facebook en tant que tel. Non, sa première utilisation était en imprimé en 1659. Donc, c'est un extrêmement vieux mot qu'on a ramené un peu à la sauce du jour avec Facebook. Plus de vidéos sont uploadées ou téléversées, comme on dit en français, comme les gens de l'Office de langue française disent et personne d'autre au monde, téléversées. Donc, sur YouTube, chaque mois, quand je raconte un fait comme ça, on se perd. Hein. Plus de vidéos sont téléversées sur YouTube à chaque mois que les trois réseaux de télé majeurs américains depuis les 60 dernières années. Plus de vidéos sur YouTube depuis les trois, depuis le mois dernier, pendant une période d'un mois, que pendant 60 ans chez les trois réseaux de télé américains. OK. C'est compris. Moi, j'ai vu une publicité qui disait qu'il faudrait des années et des années et des années et des années, beaucoup trop, pour regarder toutes les vidéos YouTube. C'est clair. Ah, j'aime ta prononciation. Je vais te téléverser ça. Usain Bolt, tu connais le coureur Usain Bolt? Il a eu le record en 2008 pour le 100 mètres, OK? Tout en ayant son lacet de souliers détachés. C'est tout à fait vrai. C'est vrai. Souliers détachés, cours quand même. Moi, souliers détachés, je me pète la gueule. T'sais. C'est comme ça. Chacun sur ça, chacun il allait trop vite, les lancers n'avaient pas le temps de toucher le sol. Ah, c'est peut-être ça. qu'est-ce que ça dit? Okay, se rendre jusqu'à marcher sur la Lune, d'accord? Jusqu'à marcher sur la Lune. Ça doit être long. Oui, tout à fait. Et trouver Bin Laden, Osama Bin Laden. Ça a pris aux États-Unis 10 ans et au-dessus de 100 milliards de dollars pour envoyer quelqu'un marcher sur la Lune et pour trouver Osama Bin Laden. C'est équivalent. 100 milliards de dollars et 10 ans. Juste, c'était quoi? Depuis 2004, c'est le dernier fait ici, depuis 2004, World of Warcraft a été joué pour un total de 50 milliards d'heures. Tu sais, le jeu vidéo sur ordinateur, là, 50 milliards d'heures ou encore 5,93 millions d'années à jouer à World of Warcraft depuis 2004. C'est quelque chose. Voilà pour la chronique, c'est un fait. Rapide, express. J'ai pas le timing. Je voulais voir combien de temps ça avait pris, moins de temps que d'habitude. Mais mon préféré, je pense, ça reste les vaches qui changent d'accent selon la place. C'est fendant français. Genre. Non, ça existe. Voilà donc, il y aura une autre chronique la semaine prochaine. En fait, la semaine prochaine, on revient le matin. Donc, il va y avoir des chroniques de C'est un fait à tous les jours. La vie est belle. Tout le monde va être heureux. Va danser dans la rue. J'espère. Non? Est-ce que tu vas danser dans la rue? J'ai passé mon tour. Sous la pluie. Tu iras, toi. Ben, je peux pas, je fais la chronique. Voyons, non, t'écoutes pas. vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis. On est environ à quelques minutes, plus ou moins quelques minutes, de la chronique de Simon Fitzbay, le scoop des internets, il s'en vient tout à l'heure. Mais pour l'instant, retournons en musique. Et là, à ce moment-ci, on a terminé les nouvelles entrées. On va y aller avec les choix de Marie-Pierre qui va nous présenter. Merci beaucoup. Quelques CD et pièces qu'elle a aimées depuis les dernières années. Explique-nous le concept plus concrètement. Oui, j'ai choisi 10 chansons. Je me suis dit, bon, OK. Qu'est-ce que je préfère? Tu dis comme que ça, je préfère jouer? Tu parles, tu dis oui, OK, Maria. Ouais, je me parlais comme ça. J'ai choisi 10 chansons que j'ai appréciées durant les dernières années, donc environ 2 ans. C'est pas nécessairement des CD qui datent de 2 ans. Des fois, sont plus vieux. Mais c'est des chansons que depuis 2 ans, restent dans mon iPod. Je suis pas capable de les enlever. Il faut que je les conserve. Donc, ça fait partie de ces chansons-là. Et là, je vous en fais jouer une que j'ai écoutée. C'est Sufjan Stevens. La dernière chanson sur le CD. Impossible Soul. Oui, c'est une très, très, très bonne chanson. Sur l'album The Age of Odds, Sufjan Stevens au 89 FM, c'est fou. On s'est quasiment synchronisé sur la prononciation, ça a l'air crédible. Soufiane Stevens. Troufion Stevens. Toujours trouvé que ça faisait troufion un peu. Mais bon. Qui suis-je pour juger? Est-ce que c'est vraiment une pièce de 25 minutes? Non. On la coupera avant. OK. Je regardais ça. Colin, l'émission va être finie, mais qu'on finisse ça. Woman, tell me what you want. And I'll calm down without bleeding out. With a broken heart that you stabbed for an hour. Sleep in the Croisière d'assemblage requis sur C'est fou. Yeah. C'était la 10e position de mon top 10 chansons des dernières années. Voilà. Dit comme ça, c'est juste les chansons que t'aimes depuis un bout de temps. Carquois avec les chemins de verre, c'est gagnant. Voilà. C'est toujours gagnant, en effet. Ouais. Est-ce qu'on continue avec la position numéro 9? Oui, en 9e position, j'ai choisi une vieille chanson, mais une chanson que j'apprécie toujours après toutes ces années. C'est le groupe The National avec la chanson Slow Show. On écoute ça et après ça, un petit peu plus tard, Simon Fitzbé et sa chronique Le Secours des Internets. Une chronique spéciale cette semaine, ouais. Un monologue. C'est comme les monologues du... Ouais. Ouais, c'est ça. Du vagin. Ouais, c'est un terme médical, on a le droit. C'est médical. Mm-hmm. Les docteurs utilisent ces mots-là tout le temps. Ouais. Correct. Vagin. Vagin. Non? C'est pas la bonne tune, mais correct. Oh! Slow Show, The National. Slow Show, The National, ben oui. Ah, mais il y en a deux, Slow Show. Oui, c'est pas la bonne. Il y a deux pièces qui s'appellent Slow Show. Non, celle-là, c'est pas Slow Show. OK. C'est l'autre Slow Show. Ben, on va l'essayer, c'est celle-là. Attention. Jean, non? Poing, non? Non? Oui, c'est celle-là. Voilà. Tant mieux. Ah, j'attendais le début de la chanson. La technologie. Standing as a bunch, they will swallow and burn. Can't pay attention to the sound of anyone. Every minute, more unprepared. Made a mistake of my life today. Everything I love gets lost in the drums. I wanna start over, I wanna be willing. We had to stick from the beginning. It's easier than this. It's easier than this. Everything you say has water under it. Somebody bring me the head of a love song. Somebody bring me the head of a lie. Wanna be a blank slate. Wanna wear a white cape. Wanna type a young girl off their beautiful boyfriend. Looking for somewhere to stand in space. MGMT, la pièce The Handshake dans la vie de croisière d'Assemblage Requis. C'était la position quoi, numéro 8? Numéro 8. De ton petit palmarès des dernières années, Marie-Pierre. Oui. Beau travail. Avant ça, on a entendu Slow Show, une version approximativement pas la bonne, mais quand même. Oui, ça ressemblait. C'est le deuxième coup de dé. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, ça va faire l'arrêtage de pièces et leur partir. C'est pas la meilleure affaire à faire à la radio. Every day, I'm shuffling. Fais pas ton, on nommera pas son nom, là. Tu danses dans ta tête, hein, là. J'ai même pas vu, en fait, la vidéo. Je sais pas. The Shuffling, là, c'est là, qui j'ai ça? J'ai pas vu. Qui chante ça? Je sais pas. Aucune idée. Non. C'est comme devenu un running gag sur Internet avec l'iPod Shuffle. C'est pour ça que je connais le genre. Ouais, parce qu'à chaque jour, j'ai une nano, ça fait de pas autant. Puis à chaque jour, j'ai un classique non plus. Fait que en fait, il y a des photos comme d'un iPod Shuffle avec des lunettes d'hipsters. Je disais, moi, je shufflais avant tout le monde. Avant que ça soit cool. Ouais, c'est ça. Ouais. Les hipsters. Ouais, c'est fatigant, ça. Ah, j'ai détesté. C'est fatigant, comme ça, en tout cas. Parce que les hipsters ne se nomment pas eux-mêmes des hipsters. Personne ne va s'assumer en tant qu'hipster. Ils vont se le faire dire, mais ils diront pas « je suis un hipster », non? Non, je connais du monde qui aime ça se faire dire qu'ils sont hipsters. Mais ça, c'est plus... Ça arrange vraiment pour avoir l'air hipster. Ben, ils essayent d'avoir le plus hipster possible, donc c'est des wannabes, peut-être. Ouais. Tu sais, comme le monde qui ont des barbes, mais qui ont comme pas de menton dans leur barbe. Ouais, c'est comme une barbe à l'envers. Des gros sideburns avec une moustache, mais pas de bas. Pas de pinch. Ouais, de menton, de barbichette, de menton. Soul patch, etc. Ouais, Mathieu, soul patch, exactement. Je te dis ça de même, mais t'as des lunettes de hipster. Ouais, mais c'est tout. Mmh. Le reste, j'ai des favoris, mais ils sont quand même... Puis ma barbe est faite d'hier, quand même. Ouais, en fait. Mathieu justifie. Fascinant, ouais, je sais. C'est ça, mais je dirais pas moi-même que je suis hipster. Hein. Moi, j'avais une barbe avant que ça soit cool. Fait. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Puis moi, mais présentement, j'ai pas de barbe, alors que c'est cool d'avoir une barbe, donc je suis comme cool à l'avant-garde de pas avoir de barbe, genre. Mmh. Non? Ah, je sais pas. Je sais plus. On pourrait parler de d'autres poils, mais on pourrait essayer d'intégrer. Okay. On pourrait passer notre tour aussi. Ouais, genre. On pourrait finir l'heure là, mettons aussi. Allons-y. On pourrait, ce serait une pas pire idée. Mm-hmm. Donc voilà pour la fin de la deuxième heure de la vie de croisière d'Assemblage Requis. On se retrouve tantôt dans une troisième heure. Et là, dans la troisième heure, c'est vrai, il s'en vient. Oui. Simon Fédibé avec sa chronique Le Secours des Internets. Et cette semaine, une petite chronique spéciale. Donne-nous donc un avant-goût, voir de ce qui s'en vient. Un avant-goût, ben, je vais parler de la vie sans Facebook, en fait. Je vais m'ouvrir le cœur et... Comme une grenouille en dissection dans un cours de biologie. Exactement. Je vais faire encore plus pitié qu'une grenouille. Ah oui? Ouais. C'est dur. Oh, ça n'a pas de bon sens. J'ai bien hâte de voir ça. Toi tranché. Mais attendez-vous pas à quelque chose de grandiose non plus. Bon, ça va être une chronique poche, donc, c'est ça? Ouais, une chronique exactement. Plate? Chronique c'est ce qui s'en vient? La au troisième. Retour. Au retour du plate. Du mou. Des joues. Très mou. Des joues mou. Ah, moi, je suis mou. Joues molles. Bonjour, c'est la troisième heure de la vie de croisière d'assemblage requis sur les ondes de CFOU 89 FM. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est Marie-Pierre Lafourche-Bourret. Tu parles aussi vite que moi. Elle s'adapte à ma rapidité d'exécution vocale. Donc, Marie-Pierre, début de troisième heure, sans aucune vague derrière, c'est comme si on avait abandonné le bateau. Bien, on est sur le bord de descendre du bateau. On est en veille de faire un accident de bateau, je pense, à quelque part. C'est coulé à quelque part. On n'a pas eu le temps de taper le sketch. Oh, God. C'est plate, hein? On voulait faire un beau petit sketch avec l'île de Gilligan et tout, mais pas le temps. Je me demande bien qui est-ce qui a arrêté Gilligan. Hein? Ah! On essaiera de faire quelque chose quand même avec ça. Je pense mais c'est bien plus de dire, ouais, moi je suis une millionnaire. Ouais, c'est ça. Je suis un des 13 millionnaires dans le cabinet de George Bush, comme dans le prénom. Bon, pour ceux qui étaient là tantôt. Simon Fitzbé, c'est ta dernière chronique Le Secours des internets avant qu'on te renvoie avec ton élastique directement dans le dîner de con. Oui, exactement, avec mon bon chum Danny. Ton bon chum! Mon bon chum! Ton chum Danny à taverne. Oh oui! Du dîner de con. Hey, ce serait un bon concept, cette émission dans une taverne. Dans une taverne. Jamais vu pour une station de radio. Ouais. Ouais. Bon. Donc, Le Secours des internets, ça commence à l'instant. Attention, à go! Secours des internets! Secours des internets! Édition spéciale du coup des internets aujourd'hui. Marie-Pierre, tu vas sûrement comprendre la situation parce qu'elle va te toucher un petit peu plus près que d'habitude. Ce ne sera pas des nouvelles geeks comme d'habitude, non? C'est ça? Non. Je vais comprendre. Oui, parce que tu as déjà eu pas de Facebook dans la vie, toi? Ben, quand j'avais pas de Facebook. C'est ça. Avant que Facebook soit populaire. Mettons, première année d'université. Là, c'est là que tout s'est gâché. Et là, effectivement, hein, c'est agréable pour beaucoup de personnes. Ouais, c'est ça. Et tu comprends encore ça parce que t'as pas de Twitter, t'as pas de Google Plus, rien du tout. Ça va à ce niveau-là. Ouais, mais je pense pas qu'on peut s'ouvrir des mêmes problèmes quand on n'a pas Google Plus ou Twitter. Non. Franchement, non. Ouais. Mais j'ai décidé, en fait, je me suis creusé de coco pour vous écrire un texte décousu sur la vie sans Facebook. Je me suis dit, je vais vous présenter un peu le calvaire que je vis depuis maintenant plus de 6 mois, puisque j'ai cessé d'utiliser Facebook au mois de novembre. J'ai fermé mon compte au mois de décembre et j'ai fermé définitivement en janvier, c'est-à-dire qu'il n'y a plus moyen d'y retourner. Tout est supposément effacé. Il n'y a plus rien là, sur les serveurs de Facebook cachant quelque part en Inde. Là. Ouais, mettons, j'ai des doutes. On a suivi tes aventures de sevrage de Facebook à Assemblage requis cet hiver. On en parlait une couple de fois et puis on s'est toujours demandé la raison d'être derrière tout ça. Ouais, ben j'essaie de l'expliquer. Mais encore là, d'une façon peut-être un peu décousue. Donc, si jamais il y a des trucs, n'hésitez pas à m'arrêter pour que je vous explique un peu plus en profondeur. D'accord, s'il vous plaît. Okay. Donc, quand même, au début, je trouvais le concept des réseaux sociaux quand même assez intéressant. C'était la suite logique des forums des années 80-90, puisque c'est comme ça que les premiers réseaux sociaux se sont tissés. Un forum à propos d'une information ou d'une autre et les gens qui envoient leurs commentaires et autres sur le forum. Il y a des gens encore qui utilisent ça. Moi, j'en visite souvent. Et c'est comme un mythe là, de dire que les forums, c'est vraiment plus la mode. Non, c'est très intéressant. On trouve beaucoup de trucs très cool là-dessus. Il y a encore du monde sur IRC aussi. Là. Ouais. Faut pas se le cacher. Ouais. Loser. Non, c'est pas vrai. IRC, c'est quand même très, très vieux. Ça date d'ARPANET en plus. Exact. Donc, on en reparlera. On en reparlera. On en reparlera. ARPANET. Ah, le roi des jeux de mots. Ben oui. Il s'agissait donc d'une toile tissée en différentes personnes qui peuvent interagir à plusieurs niveaux, échanger sur des questions importantes et bien sûr se retrouver et communiquer. Waouh! C'est vraiment génial. J'ai écouté la biographie de Steve Wozniak, puis il écrivait waouh à quasiment toutes les fois qu'il découvrait quelque chose, qu'un transistor valait une place. Et... Il aime les W, lui, parce que c'est ouais. C'était donc vraiment génial de pouvoir communiquer en un instant avec nos amis et également pouvoir se créer un espace sur le web pour se présenter et exister dans Internet 2.0. C'était comme un oasis de tranquillité dans un monde tourmenté. Donc vraiment une invention, dis-je, révolutionnaire. Mais malheureusement, le concept s'est pas arrêté là. Oh non! On est maintenant rendu à un point où les réseaux sociaux ont envahi chaque petite parcelle de notre vie, à un point tel qu'on peut difficilement revenir en arrière. Ça, je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord avec moi, surtout toi, Mathieu. Non, mais on pourrait en discuter pendant des heures. Mais pensez-y un peu. Facebook, c'est le premier site que vous allez en ouvrant vos ordinateurs le matin. Hein? Oui, non? Non, plus maintenant. Non, plus maintenant? Non, je suis pas capable de suivre l'actualité de tout le monde en aussi peu de temps le matin. J'y vais une fois par semaine, c'est bien en masse. Ouais, toi, c'est vrai, t'es quand même bon là-dessus. T'as une utilisation raisonnée. Mais ce que je fais tout le temps dessus, c'était comme vraiment fatigant. Quand tu veux tout le temps voir les nouvelles jusqu'à la dernière que t'avais lue, tu sais. Ouais, ça devient difficile. Mais par contre, même si je suis là, en y allant qu'une fois par semaine, il y a tellement de nouvelles qui arrivent que je suis obligé d'inscrire sur un Google Reader. J'ai changé mon Google Reader de place. J'ai séparé mes vraies nouvelles de mon Facebook. J'ai un feed de Facebook qui va dans un Google Reader indépendant. Et là, quand je descends en bas de la page puis qu'il n'y a plus de nouvelles, c'est parce que quand tu vas trop loin en bas, ça fait il n'y a plus de posts. Alors que dans le fond, vu que j'ai une semaine à lire et que je suis rendu à deux jours, il me reste des nouvelles. Donc, je vais dans mon Google Reader, lire le reste. C'est obsédant comme ça. Je dois voir les nouvelles de tout le monde. C'est pathétique. Hein? Et toi, Marie-Pierre, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu vas voir Facebook? C'est pas nécessairement le premier site que je vais. Je vais plus voir Hotmail. Hein. Ah! C'est un réflexe. Bon, c'est moins long. Hein. Tu vis dans le dernier siècle avec Hotmail, franchement. Les produits Windows Live. Non, mais quand même. Mais non, c'est minimum une fois par jour. Mais on l'ouvre au moins une fois par jour, c'est ça. On y va quand même souvent et d'autres plus souvent que certains. C'est ça. Certains plus souvent que d'autres. Et aussi, il faut se dire que tous nos amis sont sur Facebook. En grande majorité, 99% des gens ont un compte Facebook, qu'ils l'utilisent ou pas, ou qu'il y aille une fois par semaine ou non. Et disons que vous voulez contacter un ami pour sortir ou simplement prendre des nouvelles de lui. Qu'est-ce que vous allez faire? Prendre le téléphone et l'appeler? Il faut être quand même assez proche. Ou lui envoyer un courriel? Non, vraiment pas. Qui c'est qui utilise ça encore les courriels? Quoi que Marie-Pierre, tu utilises encore les courriels. Elle n'a même pas de cellulaire. Donc, elle fait comme pas partie du groupe cible de ce texte-là. Et où son Outlook Express ou son Eudora Mail, des vieilles affaires comme ça? Non. Qu'est-ce qu'on fait donc? On prend le portable et on envoie un message ou bien une notification sur le wall et on attend. Et soudainement, on n'a plus besoin des bébelles comme le téléphone et le courriel pour rejoindre les gens. Quoique, il y a des gens qui vont recevoir toutes leurs affaires de Facebook sur leur courriel ou encore sur leur SMS. Oui, il y en a beaucoup qui font ça, mais ça devient gossant, par exemple, mais quand t'as comme 120 notifications en une journée. Là, moi, c'est désactivé, genre ça plus zéro. J'avais fait, moi, à l'époque aussi, là, c'était vraiment trop difficile à gérer. Et c'est ce genre d'accessibilité-là qui m'agace pas vraiment, vérité, puisque c'est assez utile, mais le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui est membre de Facebook, mais on peut pas rejoindre tout le monde en même temps. Mais d'un autre côté, il y a aussi plusieurs personnes qui sont sur Facebook. Disons, ma mère, son chum, ma soeur, mes ex qui sont sur Facebook, mon employeur, le gars de secondaire qui me tenait absolument à être mon ami et qui me parlait tout le temps de ses problèmes sans même que j'y aie demandé. Ou la fille un peu psychopathe que tu connais pas vraiment, mais qui te trouve cute, qui t'ajoute et sans faire exprès, toi, tu cliques pour ajouter aussi comme ami. Et finalement, tu te rends compte que... Qui te parle à tous les jours. Ouais, exactement. Elle tient absolument à te parler comme le gars du secondaire. Ouais. Tu dis à ta blonde que c'est quelqu'un que tu connais de par là, genre. Ouais, non, mais t'es mieux de la bloquer... plus vite possible. Quand même, il y a donc pas assez de gens sur Facebook pour rejoindre tout le monde, mais il y a déjà trop de personnes qui vous rejoignent de trop de façons différentes. Entre autres, t'es pas lu votre fil d'actualité avec Farmville, les photos de clubbing, les pics de chicks dans le miroir. Avec des faces de canard. Oui, puis les crises de vidéos de chats et de bébés sur YouTube. Wow. Oui, je l'ai dit. Vulgaire aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que tu veux? Il fallait que ça sorte. Mm-hmm. Et c'est un peu à cause de ces personnes-là et les habitudes qu'ils ont que j'ai décidé de prendre mes distances du site. Ça aussi parce que je perdais beaucoup de temps donc à commenter et à regarder les statuts des gens. Ça, je l'avoue, c'est mon plaisir coupable. Je pouvais passer beaucoup de temps sur Facebook. En fait, commenter, ça serait pas nécessairement le bon mot. Plutôt démontrer que ma désapprouvance de toutes ces habitudes par mes pairs. Ah, l'humanité. J'ai été fatigué de lire les statuts sur Occupation Double. Et tout le monde en parle. C'est déjà dans TV. Pourquoi en parler sur les statuts sociaux, les réseaux sociaux? Et j'ai donc décidé de prendre une décision éclairée et raisonnée, la plus éclairée et raisonnée de ma vie, me réapproprier ma personnalité ainsi que ma vie en quittant Facebook. Pas pour quelques jours ou quelques mois, non. J'ai décidé de quitter le monde Facebook définitivement. Progressivement, mais définitivement quand même. Le but était déjà là au début lorsque j'ai décidé d'arrêter de fréquenter le site. Quitter Facebook, c'est probablement la chose la plus difficile à faire. Pas pour l'attachement social que j'ai pu tisser sur le site Internet. Non, non. Difficile parce que les administrateurs veulent pas que vous quittiez Facebook. Et donc, ils ont caché les liens pour quitter le site derrière une vingtaine de pages différentes. Et déjà, lorsqu'on se décide à fermer le compte, celui-ci reste quand même actif. C'est-à-dire que si vous décidez d'y retourner, il est seulement en hibernation. Ouais. Et il revient en ligne tout de suite lorsque vous revenez. Ça prend 3 secondes. Il y a un vrai processus pour quitter définitivement le site, mais je m'embarquais pas là-dedans puisqu'il y a beaucoup trop d'étapes, d'énigmes à résoudre, de dragons à combattre pour présenter la procédure dans le cadre d'une seule chronique. Il y a des liens, par contre, sur des sites Internet et des forums, justement. On fera une série en 15 épisodes cet automne. Ouais, c'est il faudrait. Il faut une recette et une baguette magique pour pouvoir réussir. Exactement. Il faut level up. Faut leveler up trop souvent pour se rendre. Oh, et c'est incroyable. C'est une fois ça complété, ça commence l'étape la plus compliquée, en fait, de quitter Facebook, c'est-à-dire l'après Facebook. Et c'est vraiment pas facile. Honnêtement, je sais pas comment on se sent lorsqu'on est en sevrage d'héroïne, mais ça doit être aussi difficile. En tout cas, dans mon cas, à moi. À chaque moment, chaque instant, chaque minute, Facebook est rempli de tentations. Le site est facile d'accès et l'habitude de visiter s'est implantée profondément dans mon cerveau puisque j'ai été membre de Facebook pendant pratiquement 5 ans. Donc, ça a été quand même assez compliqué. Ben, ça nous amène à la question, pourquoi est-ce que t'as pas juste arrêté d'y aller? T'as aucun contrôle sur toi? T'es pas capable de... Non, j'ai arrêté d'y aller. Je me suis dit, pourquoi garder la page ouverte si j'arrête d'y aller? Parce que de toute façon, je savais que si je quittais le site... Sans fermer mes comptes, j'arrêtais juste d'y aller. Et si je recommençais à y aller du jour au lendemain, j'allais retomber complètement dans les mêmes patterns qu'avant. Je suis un genre de gars comme ça. Donc c'est ça, t'as vraiment pas de compte. Une rechute, là. Ouais, une rechute totale. Ouais. Et donc, voilà, c'est assez difficile de se défaire de ça. Par exemple, on arrive de l'école, on allume l'ordinateur, on fait quoi? On passe une heure sur Facebook à regarder, commenter, aller chercher ses patates sur Farmville, je sais pas, j'ai pas vraiment joué à ça. L'heure normalement passée sur Facebook a changé, donc son statut, celui de lire ceux des autres, est maintenant vide. Et l'accessibilité d'information, c'est-à-dire que les informations que les amis mettaient sur Facebook, est rendue plus compliquée à faire, puisque la récolte est plus difficile. On a perdu ses repères sur l'Internet, je veux pas, quand on se concentre vraiment beaucoup sur Facebook. Et ça touche beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui prennent leur information seulement sur ce site-là. Ouais. Et c'est ce que je crois qui pourrait être un peu dangereux. Ben, c'est comme les gens qui regardent juste TVA. Exactement. Ben oui. Et ça, il y en a tellement. Parce que TVA, c'est vrai. C'est vrai. C'est tellement vrai. Ah oui. J'ai une amie qui avait lu, elle m'a parlé qu'elle a lu un texte. Bon, ça fait, ça rebondit, là, mais elle a lu un texte comme quoi on est tellement habitué de tout prendre partout sur Facebook. On est sur Internet, on bouffe de l'information que notre mémoire à court terme est affectée. Oui, oh, oui, oui. On ne sait plus quoi retenir. On retient les mauvaises choses comme... que telle personne n'est plus en couple avec telle depuis le mois de mai. C'est des informations non au lieu des informations importantes. Ouais, ça a changé complètement comment notre cerveau fonctionne. Et là, on est juste au début. Imaginez si ça continue comme ça va être complètement fou. Des robots. Oui, des vrais robots. Mais c'est qu'une fois que la cueillette d'informations sur les blogs de nouvelles et autres sites du genre est revenue, l'étape la plus compliquée encore, celle qui est encore pire, c'est littéralement le fait de plus être sur Facebook tout court. Hein? C'est que en résignant un compte Facebook, on perd beaucoup d'amis. Moi, j'en avais au-dessus de 300, je pense, dont 15 ou 20 dont je tenais particulièrement. Les autres, je m'en fous un petit peu. Malheureusement, ces personnes-là m'ont pas suivi. J'ai même appris par la suite que certains d'entre eux se sont même pas rendus compte que j'étais parti de sur Facebook. Ben, parce qu'il y a rien qui avertit que t'es plus là. Mais quand t'as 300, 400 amis, chaque personne a ça, 300 amis, mettons. Fait ouais, donc ça paraît pas. Mais justement, ça m'amène à la question, pourquoi est-ce que t'as pas fait comme plusieurs de mes amis, fermer ton compte, en ouvrir un autre plus épuré, plus personnel, plus tu y vas vraiment serrer dans ton cercle d'amis. Là, parce que tu peux blesser des gens en refusant de devenir leurs amis s'ils voient que t'es ami avec quelqu'un d'autre. Ben appelle-toi avec un autre nom. C'est ça qu'il y a des gens qui font, moi, ouais, qui se rajoutent un autre nom. J'y ai pensé, c'est toujours mais en cours de... Mais une photo sur laquelle t'es, c'est assez évident que c'est associé au nom, tu sais. Ah, faut pas mettre de photo. Mais pas de photo, c'est ça. Il faut choisir une plante que t'aimes bien, ou l'arbre que tu serais dans ton autre vie. Plante, genre une Mathieu plante. C'est ça, ou une fugère comme Myriam Fugère. Ah. Il y en a pas à faire avec la forge bourrée, excuse-moi. C'est correct. Ouais. Ouais, tu mets une photo des forges. Ben oui. Ouais. Puis les Français disent je suis bourré. Les forges saoulent. Photo de des rues. Hey Colin! Oh boy! On s'emporte là, on s'emporte. Mais donc, c'est ça. Le problème rencontré, c'est d'être coupé du monde, littéralement. Les gens qui pensent simplement plus à téléphoner, envoyer des courriels lorsqu'ils veulent inviter leur contact ou garder contact avec quelqu'un. Ou lorsqu'on fait une fête, on fait un événement Facebook, hein, on n'envoie plus de courriels aux gens. Lorsqu'on est animateur d'une quotidienne, on envoie un message privé à l'ensemble de ses chroniqueurs on veut simplement garder le contact aussi. Donc, on lit les statuts et on oublie complètement les courriels. Hein? Ben oui, mais on une chance que je t'ai vu en vrai dans la vraie vie. Ouais. Sinon, t'aurais pas eu de chronique cet automne. Oui, c'est ça. T'aurais sûrement trouvé une façon de me le demander. Ouais, certainement. Moi, je suis tellement obsessif. C'est le même qu'on t'aime. Je suis obsédé de la radio. T'es obsédant, je dirais. Obsédant. Ouais. Obsédé musicaux. Pense juste à moi. Assumez-vous. Oui, je me sens trop. Salut Marie-Pierre, ça va? On va rajouter une lumière, là. Ouais. Donc, le petit problème donc avec ça, c'est que si t'as pas Facebook, t'es complètement rayé de la carte sociale des gens. On pense plus à toi. À des événements d'école. C'est ça. Tes amis proches vont continuer à te parler, à t'appeler, à t'envoyer des courriels ou même MSN peut être là, mais MSN. Les gens que tu... Ben, je vais y venir à ça. Ouais. Bon. Mais quand même, les gens proches restent près de toi, mais sinon, faut que ça donne que tu les vois, c'est-à-dire les autres gens dans tes cercles un peu plus élargis, que tu as appris à former grâce à Facebook, justement, à garder le contact avec ces gens-là. Mais ça peut être facile aussi de l'autre côté d'éviter le monde avec qui tu voulais pas parler de toute façon. Oui, exactement. Ça, c'est très, très plaisant, par contre. Mais le plus fatigant, le plus chiant dans cette entreprise-là, c'est qu'à chaque fois que tu vois un de tes amis, disons, dans le cadre d'un party où ta blonde a été invitée, mais pas toi, parce que t'es plus sur Facebook, la personne arrive et elle te dit « Hey, t'es plus sur Facebook » en te prenant dans ses bras avec une forte haleine d'alcool parce que t'es arrivé 4 heures en retard au party parce que tu savais pas qu'il y avait un party. Ouais. Sinon, c'est simplement pendant une conversation où on te demande « Fait que là, t'es plus sur Facebook pantoute. Comment ça? Pourquoi est-ce que tu veux te couper du monde comme ça? Pourquoi t'es plus en 2011? Puis pourquoi que tu fais plus ça? » C'est vraiment, mais vraiment, vraiment gossant. Il y a les autres types d'amis aussi, ceux qui sont frustrés du fait que t'as oublié leur anniversaire. Hein? Oui, parce que c'était rendu notre outil. Mais oui. Exactement. Parce bonne fête, en fait. Moi, je veux même pas que les gens sachent c'est quand ma fête. Non. C'est point. Mais, tu sais, en fait, t'as même pas oublié leur fête. C'est qu'un algorithme sur un site internet te rappelait que c'était la fête de la personne et que peut-être tu devrais y envoyer un message. En même temps, là, OK, oui, à ta fête, tu reçois des tonnes de messages Facebook, là, mais t'aimerais tellement mieux que le monde t'appelle. Là. Exactement. T'aimerais ça que les gens le fassent en vrai. Oui, l'émotion. Qui veut vraiment te dire bonne fête là-dedans? Qui a vraiment une intention derrière de vraiment te dire bonne fête et que ça l'intéresse vraiment que c'est ta fête? Exactement. Ben, oui. Ou est-ce que c'est juste parce qu'ils veulent que tu leur dises bonne fête quand leur fête à eux va venir? Oui, ben, généralement, c'est rendu comme la norme sur Facebook. C'est vraiment dommage. Bref, le contact social est pratiquement nul et comme je suis pas moi-même du genre à téléphoner, je suis pas non plus du genre à faire les premiers pas. Et à force d'avoir lu les états d'âme de nombreux étrangers sur la page d'accueil de Facebook, j'en ai développé une genre d'habitude. J'ai donc trouvé un équivalent me permettant d'avoir un semblant de socialisation. Qu'est-ce que tu pensais que c'est? Twitter? Non. Aimer ça? Non. Le courrier du cœur de Châtelaine. Il y a Louise Deschâtelain qui est popée deuxième aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment ennuyant quand on y pense. T'sais, les gens se voient de moins en moins, se contentent de petites interactions sur un site Internet plutôt que de se voir dans la vraie vie. Ils créent des événements qui deviennent privés, exclusifs, presque fermés aux membres qui sont pas sur Facebook. C'est-à-dire, si t'as personne comme qui va te faire le message, ben t'oublies, t'sais, les événements sont pas là. C'est donc des insides aussi entre eux à cause du dernier clip YouTube qui circule ou des dernières chansons comme Rebecca Black ou Shuffling qui se promènent à gauche et à droite sur parle Facebook. Parle pas contre Rebecca Black. Ah, écoute. Ils se font aussi pousser les moustaches au mois de novembre après avoir parti une campagne virale sur les réseaux sociaux et ils interagissent avec les médias grâce à leur page Facebook. Tu sais, TVA, ils font ça à Star, ils vont sur la page Facebook et les gens, ils parlent. Ah oui! C'est toujours... C'est du contenu, ça. Ouais, plein de bons contenus. Ouais. C'est vraiment pas facile, donc, d'être à l'extérieur de ce cercle exclusif-là. Imaginez un peu que ça peut être. Ostracisé. Oui, ben c'est pas... Tu peux pas être fâché contre les gens parce qu'ils savent pas. Tu peux pas être fâché contre toi parce que... C'est ton choix, c'est ta vie, c'est ça. C'est comme un genre de blanc là, où tu sais pas vraiment comment te sentir par rapport à ça. C'est vraiment pas facile. Moi, j'ai manqué environ 20 parties, une trentaine d'anniversaires, au moins 5 vidéos de chatons qui tombent dans les toilettes depuis que je suis parti. C'est vraiment, ouais, c'est incroyable. Et je compte pas les bières occasionnelles aussi dues à des messages Facebook que j'ai pas pu suivre, bien sûr. MSN est maintenant désert. Lorsque que MSN, il y a encore un an de ça, il y avait encore beaucoup de gens qui allaient là-dessus. Ah oui, c'était une bonne face. Ben, en tout cas, dans mes cercles, il y avait moyen d'avoir de l'information par rapport à ça. Il y a comme 5 personnes de connectées qui sont pas connectées en vrai, puis c'est juste leur ordinateur qui... Ils ont oublié de l'enlever dans le menu démarrage. Ouais, exactement. Donc, ça, on le perd aussi. Il y a plus personne, donc, qui va là-dessus. Puis personne, donc, utilise le téléphone. Mon téléphone sonne plus, en tout cas pas pour moi. Je reçois 2 courriels par jour, des courriels genre de GameStop, puis des trucs comme ça. Des cyberpresses à tous les matins qui me gardent compagnie. C'est incroyable. Et donc, j'ai regagné du temps, en fait, le temps que je passe plus sur Facebook. Le seul problème avec ça, c'est que les autres, ce temps-là, je le passe seul, puisque mes amis sont encore sur Facebook. Donc, ils passent cette heure-là ou ces 2 heures-là à lire des trucs. Et donc, c'est littéralement comme si j'étais échoué sur une île déserte depuis que j'ai plus Facebook. Des fois, je me sens seul au monde et loin de tout le monde en même temps. Et des fois, je me dis qu'une mort virtuelle comme celle-ci, comme celle que j'ai organisée, en fait, de plein choix, de plein gré, ne reste pas nécessairement juste dans les circuits, les tubes des internets, mais elle se répercute aussi dans la vie de tous les jours, puisque dans, sans sociabilité, on n'est pas mieux que mort. C'est triste. Ouais. Ben oui. Ben non, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a moyen d'interagir autrement, par contre. Et il faut encourager plutôt les gens à se voir et à aller dans des endroits publics, à prendre des cafés, puis parce que bientôt, moi, je suis sûr qu'on va avoir des nouvelles dans les journaux qui vont dire les bars ferment parce qu'à cause de Facebook, ils vont faire la même chose, qu'on va mettre la faute là-dessus. Mm-hmm. Mais c'est incroyable comment les gens, il y en a qui, comme vous, vous avez des utilisations modérées de ce réseau social-là, mais il y a beaucoup de gens qui passent une bonne partie de leur vie là-dessus. Les gens qui travaillent dans des emplois de bureau, là, c'est incroyable. Ça fait Facebook juste ça, est allumé toujours sur la page. Il y en a qui interdisent d'aller sur Facebook. Ben, ça devrait être dans toutes les entreprises, dans tous les Mais tu as lu l'étude qui disait que les gens qui travaillaient, qui allaient sur Facebook une fois de temps en temps... Sur Internet, sur Facebook. Non, mais sur Internet. Mais Facebook, c'est sur Internet. Là, oui, mais c'est justement, tu vois, là, c'est le premier site qui est associé à l'Internet. C'est un peu ce que je dénonce en première partie de mon texte. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est quand même la réalité de la chose. Mais ce qui me tracasse dans ce que tu viens de dire, parce que tu as fait un monologue sur ton arrêt de Facebook, mais c'est que là, tu es sur Twitter. Ouais. On s'entend que les gens... C'est pas du tout la même chose. Non, parce que tu lis des nouvelles, mais moi, je me sers de Facebook quand j'y vais pour lire des nouvelles. Je me fous un petit peu des statuts. J'aime mieux avoir les nouvelles que je suis sur Facebook. Oui, il y en a qui font ça. Oh, oui. Ça sert à ça. Ça va bien. Mais de l'autre côté aussi, c'est que les gens qui postent quelque chose sur Facebook associent leur compte Twitter et vice-versa. Donc, les nouvelles, les statuts des gens... Font le tour, se rendent sur Twitter. Donc, tu vis quand même du Facebook via Twitter. Un peu, non? Dépendant de qui tu suis. Ouais, un peu. Si on veut. T'as un pourcentage de Facebook que tu lis quand même, donc c'est pas complètement. Ouais, c'est surtout les sites de nouvelles, là. C'est-à-dire les personnalités. En fait, j'y suis pas vraiment, là. Dominique Arpin. Dominique Arpin, je pense que je l'ai, mais je suis pas vraiment ce qui est écrit parce que c'est pas. Je sais pas, mais j'aime mieux vraiment les sites de nouvelles, le Times, le Washington Post, Cyberpresse, Le Devoir, le journal, sûrement pas. Non. Donc là, t'es en train de dire dans le fond que si tu sers un petit peu de Twitter comme un lecteur de nouvelles, comme je parlais tantôt de Google Reader. Ouais, exactement. Donc Twitter est un fil de nouvelles plus qu'un réseau social, un moyen d'interagir avec les gens qui font la nouvelle ou etc. Mais sans nécessairement, c'est-à-dire que ça soit tes amis et puis c'est-à-dire que dans Twitter, on n'a pas ce genre d'interaction-là entre les personnes qui fait qu'on va vraiment aller lire le commentaire que l'autre personne a écrit à propos d'une même conversation. À un moment donné, c'est caduque. C'est quelque chose qui dure 30 secondes et c'est terminé. Mais bref, Twitter, j'aime bien. Facebook, plus du tout. Plus jamais. Donc, est-ce que tu postes des choses sur Twitter toi-même? Pas vraiment. Pas tant que ça. Des fois, si je trouve quelque chose soit de vraiment, vraiment drôle ou de vraiment intéressant, je vais le faire, mais c'est pas dans mon genre. Donc, on donnera pas ton adresse publique comme il ferait à TVA pour te suivre? Ben, je pense que j'ai 80 personnes qui me suivent, puis là-dessus, il y en a 20 ou 30 que c'est des publicités. Des jeunes femmes de Russie. Ouais, genre des trucs comme ça. Donc, mais c'est drôle, là, parce que un des premiers comptes que j'ai suivi sur Twitter, c'est le président de la Russie, Medvedev. Ah oui? Et aussitôt que j'ai fait ça, il y a comme 2 gars russes qui ont commencé à me suivre, qui ont l'air d'être des agents secrets. Ils ont des gueules de gars du KGB. Là, et maintenant, t'es mort. Très exactement. Cette chronique venait d'outre-tombe. Faut faire attention aux gens qui nous suivent sur Twitter, des fois. Quelle parole sage, encore une fois, de la part de Simon Fitzbry. Ah! Je suis rempli. Hey, il y a un gars qui a perdu un iPhone 5. Hein? Oui, dans un bar, hein? Comme l'iPhone 4, il y a quelques 2 ans, 1 an. Ouais. On dirait quasiment pas que c'est arrangé avec le gars des vues. À la même date, toutes les années, dans le même bar. Donc. pas jusque-là, mais quand même. Non, mais c'est... Le prototype du iPhone 5 qui s'en vient sur le temps. Ça serait une bonne façon de... C'est-à-dire de par la spéculation sur la sortie du prochain téléphone et ce qui va avoir l'air. Créer du hype, comme diraient les anglophones. Et je suis pas mal certain, moi, que c'est organisé. Là. C'est pas juste un oubli, là, franchement. Je sais pas. Le gars est encore employé par Apple, je pense, celui qui avait... En plus. Ouais, étrange. On a hâte, on va suivre le dossier. Évidemment, on va pouvoir le suivre extrêmement facilement dans... est-ce que je me trompe ou je m'avance? Ou est-ce que tu changes de chronique à tout bout de champ encore? L'émission de Danny? Ah non, ça va être encore le scout des internets. Tant mieux, donc, à partir de la semaine prochaine, le dîner de con sera de retour du mardi au jeudi, exceptionnellement, de 11h à 13h. En temps normal, ce sera du lundi au jeudi. Et ta chronique sera dans le dîner de con à un jour et à une heure à déterminer plus tard. Parce que Danny fait ça à ton avis. Ouais, Danny vient de m'envoyer justement un tweet. Un tweet? Un tweet. Danny, j'ai envie de te tweeter. Ah oui, il a dit « Ça semble bien compliqué, la vie sans Facebook. Ha ha ha. » Hey, écoute! Ouais. C'est super. Bonjour, Danny. Allô, Danny. On te renvoie ton ami. On s'en va la semaine prochaine. Nous, on reprendra la chronique. Est-ce que ça va être Phénomène? Phénomène, ouais. On va appeler ça comme ça, mais on va essayer de toucher d'autres extrémités. D'autres membres. D'autres membres, oui. De l'histoire du rock. Mais en fait, on va peut-être aussi justement se baser sur des phénomènes en particulier, c'est-à-dire des trucs qui ont été emmenés sur disque ou autres par des raisons qui peuvent être bizarres ou spéciales. Ou en tout cas. Bon, ça va être encore plus fascinant que ce l'était. On espère. J'aime ça. On va se diversifier la chronique. Phénomène, ce sera nous les jeudis à 8h. Oh oui! Ici dans Assemblage Requis. Merci Simon. Merci. Merci. À la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, c'est vrai. On n'arrête pas. On se parle pas du tout parce qu'il n'y a pas de Facebook. Fait que, moi, c'est une fois par semaine, je le vois puis je fais comme « Salut, ça va, quoi de neuf? » Ben, tout. Mm-hmm. Ouais, As-tu vu vidéo des petits chats? Non. Hey, avez-vous vu, par contre, ça, sur Google Plus, les chats qui parlent. Les chats qui parlent? Ouais, c'est drôle. Arrête, c'est des chats, des chiens, comme s'ils parlaient. Genre, ils prennent des vidéos de chats, puis ils mettent des mots quand ils ouvrent la bouche. C'est un peu comme dans le film là, avec chose, là, les bébés. Là. Baby Genius. Non, pas celle-là. Non. Pas celle-là. Non, l'autre. Tu sais, John Travolta. Là, ah oui, voit, De quoi je me mêle. C'est ça, De quoi je me mêle. Ou en France, ça s'appelait Allô Maman, ici bébé. Genre. C'est les Français. Nous, on dit Français. Mm-hmm. Ouais. Donc, merci, Simon Bay. Merci, au revoir. Marie-Pierre. Oui. Ça va toujours? Ça va toujours. Oui. On est rendu, j'arrête pas de vouloir dire l'heure. On peut pas dire l'heure, on est rediffusé tout le temps, mais il est une demi-heure passée le début de la troisième heure. Et 35 minutes passées avant le début de la quatrième heure. Voilà. Il fait 26 degrés à l'extérieur de nos studios. Il fait X degrés, insérez votre météo dépendant de votre jour ici. Vivement, le matin, on va pouvoir dire l'heure, ça va être la fin. On l'a jamais fait. Pendant tout le long qu'on était le matin, je pense qu'on a dit l'heure deux fois. Ça. Bon. Tu vas pouvoir te reprendre. Ben, c'est ça. On retourne en musique? Oui. Est-ce qu'on continue ton palmarès? Pourquoi pas? On va aller avec de la recherche en direct sur Internet. Vas-y. La prochaine chanson. Oui, OK. Oui, prochaine chanson, c'est bon, ça, je te suis jusqu'à maintenant. La numéro 7. Okay, numéro 7, ça se cherche pas. Vampire Weekend. Vampire Weekend, ça, c'est un band. Okay, ouais, Weekend, ça va bien? Oui, c'est bon. Et la chanson Cousins. Mm-hmm. Cousins! Avec le magnifique vidéoclip. Si vous ne l'avez pas encore vu, par Facebook ou autre, vous allez sur YouTube et vous marquez Cousins. C'est un vidéoclip qui est vraiment... Moi, je peux l'écouter sans arrêt. Je l'aime beaucoup, le vidéoclip. Allez le voir. Super. Cousins Vampire Weekend, la vie de croisière d'Assemblage Requis. Ça, c'est fou. C'était la bonne toune. Oui. Ah. Vous êtes fin. You can turn your back on the bitter wood. You can turn your back on the feel it coming. Me and my cousins, and you and your cousin. It's a line that's always running. Me and my cousins, and you and your cousins. I can feel it coming. Cousins de Vampire Weekend, on voulait revenir une petite parenthèse comme ça, parce que là, on sait à quelle heure va être la chronique de Simon cet automne, dans oui. Le scout des internets du dîner de con. Effectivement, ça va être le mercredi midi. Mercredi midi. Dans les alentours du midi. Ouais. Toujours. Hey, tu vas être au milieu de la semaine. Tu vas pouvoir être là quand Danny va dire que ouais, c'est dans le nombril. Hey, ça, j'aime ça. Nous autres, on peut pas dire ça, tu sais. Parce qu'on est le matin. On est comme jamais dans le milieu de rien. Ouais, effectivement. Hey, ce qu'on pourrait faire, par exemple, là, c'est trouver une chanson comme. Tu sais, ils font ça dans les radios, là, une chanson, puis elle joue tout le temps le même jour quand c'est le lundi, parce que c'est le lundi. Lundi, c'est lundi. Tu sais, puis Friday, ils c'est font Friday. Ça. Ils font ah ça ouais. Dans les radios. Là, je sais pas, j'écoute pas la radio commerciale. Non. Tu fais bien. Hey, je voulais aussi. Comment, oui, vas-y. Je voulais juste vous féliciter pour avoir passé une très belle été. J'ai eu beaucoup de fun avec vous autres, dans votre compagnie, et c'était très, très intéressant à entendre aussi, à écouter. Simon! T'es fin. Lui, il fait des compliments, lui, il a de l'allure. C'est moi, mon compliment, ouais, c'était. Je suis pas trop dégueulasse. Non, mais il y avait c'était une histoire autour de ça, je sais pas si ça. C'était quoi l'histoire, je m'en rappelle. Ah, j'écouterais la rediffusion. C'est ce que j'ai retenu. C'est ça. C'est pas comme si tu manquais de rediffusion de cette émission-là dans la semaine. En tout cas, on vient tantôt rester là. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Marie-Pierre, Mathieu, Croisière, Assemblage, Requis, c'est fou. Vous êtes toujours à la vie de Croisière d'Assemblage Requis, dernière émission de la saison, dernière émission avant notre retour au matin de 7h à 9h à partir de mardi prochain. Mais toi et moi, c'est pas terminé cette histoire-là. Ah. On a encore des comptes à régler. Toi et moi. Et on va les régler le jeudi après-midi. Et voilà. Palmarès. Les palmarès, c'est fou, tous les jeudis, 14h à 17h. Et tu vas faire une chronique littéraire aussi aux deux semaines. Oui. À Assemblage Requis le matin, ça va être le lundi. Oui, le lundi matin. À 8h. À 8h. On t'aurait donné 8h30, mais tu voulais arriver de bonne heure. Bon. C'est ça. Ben, tu sais, question de se mettre dedans pour le début de la semaine. Ouais. Ça va être difficile, mais voilà. C'est ce qui a été décidé. C'est ce que tu as décidé, ma chère. C'est ça. Je t'ai rien imposé là-dedans. On va accueillir notre amie Justine Renaud qui est assise en studio avec sa belle paire d'écouteurs. Tu vas bien? T'es là? Bonjour, allô? Oui, allô. Bip à distance comme ça va? On te voit? Salut. On me voit, on m'entend aussi. Quoi de neuf? Des problèmes de peau. Des problèmes de peau. On va en parler, tes problèmes de peau. Je vais discuter tout à l'heure. Tantôt, on va s'en parler. T'as une histoire à nous raconter parce qu'il y a quoi? Il y a deux semaines, tu nous avais parlé de tes problèmes de grains de beauté. Oui. Donc, on va faire un retour là-dessus et puis ensuite, on ira vers l'avant. C'est bon. Et sur les côtés de tout ton corps. Oui. Ah non. Ah, oui. Con Cooper, c'est quoi ça? Ah non. Plus tard, j'ai dit plus tard. Plus tard, OK. On va aller écouter une pièce de Tractor Jack un petit peu pour l'instant. On va entendre le morceau qui s'appelle « La fille du président ». Bonne vieille pièce de leur part qu'on écoutait sur le palmarès il y a quelques mois de ça. Et puis après ça, plus tard, on va continuer aussi de palmarès de Marie-Pierre, de son été. On est rendu de sa vie les deux dernières années. De sa vie. Je passe de l'été maintenant à toute sa vie. Oui, puis après ça, il y a Carmen Campagne entre les deux. Ah oui, Carmen, ah, oui. Ça c'était les meilleurs moments. Là. C'était si bon. C'était si bon. T'étais pas méchante, elle? On le su plus tard. Carmen Campagne est méchante. Elle était méchante. Elle aimait pas les enfants. Hein? Peux-tu le croire? Ben là, on m'a pas mis au courant de ça, maintenant. Non. Avec ses petits cheveux courts, là. En tout cas, manque de style un peu. OK. Donc, la fille du président. Vous êtes assez fous, 89 FM. Cadillac, souliers noirs, je suis sorti un soir. La pluie battante sur mon pare-brise m'empêchait de voir. Elle n'avait même pas 18 ans, elle habitait chez ses parents. J'ai cherché pendant des années la fille que j'aimerais aimer. Quand je l'ai trouvée, elle était polie et bien habillée. Elle n'avait ses yeux noirs. Elle n'avait même pas 18 ans. Elle a oublié ses parents. Oh, excellente question, c'est quelle chanson? C'est Galaxy avec Requin et Tigre sur leur album Tigre et Diesel. Rare! Rare! Quand je disais 30 secondes, c'est pas 30 secondes avant que tu puisses aller marquer ton territoire partout en studio, là, c'est 30 secondes avant qu'on entre en nombre. Bah, je sais, c'est vrai, c'est pas ça. Puis oui, ta collègue s'appelle encore pour la poussette de Justine, oui. C'est encore, ça n'a pas changé depuis deux semaines. Mais moi, j'attends des appels des fans là, pour qu'ils me disent de changer de nom. Là. Ben, pourquoi ils voudraient que tu changes de nom? Ah, bon? J'aime pas ça, la poutine, ça me représente pas. Mais c'est toi qui l'as choisi! C'est vrai. Voyons donc! Les croustines, c'est déjà pris, puis c'est des croustines. Les croustines, c'est. Ouais, c'est. Ouais. Faudrait peut-être l'expliquer à chaque fois, mais non, croustine, ça pourrait être bien. Ça pourrait être, pourrait être moi, je préfère réchaud de café. Non, mais ça rime pas! Tu sais? Ouais, c'est tant pis. Caféine. Caféine. La dose de caféine de Justine. Ah non, Xavier, il s'appelle déjà de même. Ouais, c'est ça. Puis il y avait déjà une émission le matin qui s'appelait Caféine aussi. Fait que ah ça bon. Pourrait porter à confusion. OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre en in? Héroïne. Héroïne. Créatine. Je pense que c'est l'affaire des douchebags. Quand ils s'entraînent, ils boivent de la créatine. Ouais, mais je suis douchebag, mais je suis pas. Douchebaguette. Ouais, douchebaguette. Bon, ben, on n'aura pas trouvé de nom, fait que Poutine pour l'instant, hein, c'est ça? Poutine, non. Non, okay. Peu importe. Donc, Justine Renaud, Justin Renaud, qui est avec nous pour partager ses aléas de la vie. Disons, là, comme il n'y a pas vraiment de façon de décrire ton concept de chronique en tant que tel, je trouve. Ah, ben. Vas-y. Je vous compte qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie récemment. En gros, c'est ça, non? OK, mais oui. Justement, c'est pour ça que poutine, ça marche pas. Ben, c'est comme une tranche de vie, tu sais. Une tartine. Oh my god. Justine, des tartines de Justine. Tranche de pain, tartine. Au Nutella, ça sera le fun. Je sais qu'il y a une émission qui s'appelle Les tartines de Gontran, genre à Zest ou je sais pas quoi, mais. Salamand, Gontran. Tout le monde me vole mes idées. OK, donc ta chronique est en deux parties. C'est... La première partie, c'est une tranche de vie. Ah oui, une bonne tranche de vie, là, avec plein de poils, puis du sang, puis des affaires de même. Là. C'est pas très appétissant. La semaine passée, ou la deux semaines, on avait parlé de tes problèmes de grains de beauté. Oui, mes problèmes de grains de beauté. T'avais un grain qui grandissait à vue d'œil. Tu pensais que t'avais peut-être un cancer. Rassure-nous. Ouais, ben je sais pas, j'ai pas une nouvelle encore. D'accord. Alors, moi, je pensais pour une bonne nouvelle. Fait que s'il est parti biopsier, mon. S'il est parti en biopsie, hein, c'est des vagances de. Ouais, t'essayais de faire un verbe, là, mais ça marchait pas bien. Ça marchait pas, fait je vais le laisser tomber. Fait que mon grain de beauté, j'en ai pas entendu parler. La gale, elle gale bien. Okay. Ça fait une belle galette. Ben, ça fait une belle petite gale. Puis, mais la chose, c'est que qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée, qui est beaucoup plus drastique qu'un grain de beauté puis de cancer. Je m'en allais avec ma pizza végétarienne. Miam. Délicieux. Délicieux. La déposer dans le fond du four. Mais pas dans le fond, en tout cas, c'est un rack. C'est un rack du four. Sur la le rack. Sur la plaque. La plaque, quand même. Non, le rack. Ah, l'affaire avec la broche. La grille. La grille. Voilà. On se croirait dans une chaîne de bouffe à la télé avec des mots fancy comme grille. Oui, vas-y. Je t'ai interrompu. Alors, la pizza à la main. Elle fait son chemin dedans le four. Et moi, mon bras est allé s'accoter sur la porte du four à 400 Fahrenheit. Oh. Non, 425 Fahrenheit. Mais juste c'est encore pire. Mais... Ça, c'est pour avoir la croûte dure. Oui, parce que t'aimes ça quand c'est croustillant. Ça va la croûte molle, hein? C'est plus... C'est quoi, c'est 400 Fahrenheit? En tout cas, il y a des instructions là-dessus, j'ai pas lu ça, je suis pas lettrée. Vous pouvez lire les instructions vous-même lors de l'achat de la pizza. Voilà. Référence. Alors, c'est ça. Fait que ça m'a fait... là, si je la mesure, là, ça doit faire genre 3 cm par 8 cm. Une grosse brûlure sur mon... le dessus de mon avant-bras. Ouais. Mon arrière-bras. À l'arrière, c'est ça. L'arrière de mon avant-bras. Le côté moins poilu. Ah fait oui. Pas du tout. Ah, oh, mais ça a fait des bulles, puis des gales, puis du liquide, puis du jus. Ça pétait, ça chiait, ça faisait des affaires. Là. C'était comme ma grand-mère. Ça faisait tous les temps. Bonjour, oui, grand-maman. Oui, bonjour. Fait que, non, sérieux, ça faisait tous les temps. Là. Puis là, vous voyez, là, c'est là, pas super. C'est pas super, ça a guéri. Il y a juste mais une petite croix autour qu'il y a eu de quoi. Oui, ça a changé de couleur. Il y a l'air d'un gobelin. De Dublin? Un gobelin, oui. Gobelin. Ouais. Ah, les petits monstres, là. Voilà. Ouais. Et tout à fait dedans le même ordre d'idée, The Cranberries, le meilleur groupe irlandais du monde. C'est juteux, c'est aussi des canneurs. Hein. Oui, c'est juteux, mais c'est pour ça que c'est la même couleur. Ah, OK. Fait que The Cranberries, c'est le groupe dont je veux vous parler cette semaine. Alors, c'est un groupe qui a beaucoup marqué mon enfance parce que ma mère, elle mettait ça tout le temps. Puis moi, quand j'étais petite, vous connaissez tous la chanson Zombies. Oui. Fait que ça chante. Hey, il y a... oui, hey, arrête. Okay, je vais la chanter. Avec là. Délai, oui, vas-y. Je vais la chanter, là. Ça dit In your head, zombies. Moi, quand j'étais petite, j'entendais Scarabée. Scarabée. T'es, quand j'ai appris que c'était Zombies, mais encore plus quand j'ai appris que c'était une chanson qui parlait des anciens combattants de la guerre et qui parlait des troubles post-traumatiques des anciens soldats. J'ai pogné une débarque. C'était pas une chanson au sujet des scarabées. Et j'étais bien déçue. T'étais une fan de scarabées, hein? T'aimes ça, les petits insectes? Oh non, ça n'a aucun rapport, mais c'était vraiment ça que j'entendais. On en entend tellement des choses dans les chansons quand on est jeune. Ben oui, comme mais la toune de Cher, là, tu sais, Do you believe in love after love, là? Ça, c'était life plus Do you believe beloved baba love? Hey, on pourrait faire une chronique à la radio dans une émission, mettons. Oui. Blah, blah, blah, blah. On pourrait appeler ça, mettons, les hallucinations auditives. Oui, mais il faisait déjà ça à Vrac TV. Ben c'est vraiment non. Un oui. Ben non. Ben oui, elle ben s'appelait Véro, elle faisait ça. Véro? Celle-là qui se patchait le linge tout croche, là. Ah, dans Réel TV, puis Réel TV. Ah, oui. Ah, oui. Oui, Véro, là, la petite rousse, hein. T'as ben, presque cute. Cute en main, quand même. Ben, il manquait des broches, hein, mais c'est pas grave. Mais dans le croche. Bon, fait que c'est ça. Elle juge beaucoup les gens. Hein? Ouais, c'est pas un jugement. Non. C'est pas un jugement. Non. Tu revois un jury. C'est un conseil. Hein? Non, c'est pas un conseil. C'est une remarque. Et je suis pas bien mieux. Là. Alors, le Cranberries. Le Cranberries, dis-je, ben oui. Groupe irlandais rock, autre groupe irlandais connu qu'on connaît, le U2 entre autres, là, qui est né en même temps que moi en 1989 dans la ville de Limerick. Pour ceux qui se connaissent en poésie, un Limerick c'est un genre de petit poème irlandais, là, c'est bien le fun. Avant de s'appeler The Cranberries, il s'appelait The Cranberry Sauce. Non, assez poche, merci. Pas mal, ouais. Et quand la chanteuse, dans le fond, Dolores O'Riordan, s'est jointe au groupe, elle a dit « Mais on mangeait toute la merde, on va appeler ça The Cranberries. » À la place de The Cranberry Sauce. Ah, sauce, comme dans ouais, comme, sauce. Genre, non. Mais c'est un jeu de mots avec de la sauce, sauce. Ou canneberge, tu as tout ça. Oh my God. Cranberry Sauce, tu sais. Hein? Hey! C'est grand, hein? C'est un beau nom. C'est un jeu de mots, mais c'est un jus de mots, c'est pas bon. Oh! Tidoum-tchi. Ouais. Alors, non. C'est savoureux. Elle trouvait ça douteux, elle trouvait peut-être ça pas assez sérieux d'appeler son groupe de la sauce de canneberge ou d'otaka. Moi, je pense que personne ne comprenait le jeu de mots, fait qu'ils se sont dit, on va le lâcher. Exactement, ouais. Donc, moi, qui a un QI de 92 tout juste, là, je l'ai pas compris. Cool. C'est la moyenne, là, 92, j'imagine. Là. Moi, puis les candidats d'occupation double, là, même combat. Cool. Alors, avec dans le groupe, le guitariste et le bassiste, ce sont des frères Noel et Mike Hogan. Hogan! Pas Hulk Hogan, juste Hogan. Et le drummer, Fergal Lawler. Ils peuvent pas être irlandais. Eux autres, ils boivent une bière, ils sont plus capables de prononcer leur nom. Alors, ils sont plus capables encore. Je pense qu'il faut qu'ils soient sous pour pouvoir le prononcer. Voilà. Et leur groupe qui a commencé avec leur premier album, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Le titre très long d'album qui veut dire, en gros... Tout le monde le fait. Maman! Les autres, ils font, pourquoi moi je peux pas le faire? En gros, c'était ça. Fait que des chansons, entre autres, qu'on connaît deux. Linger, très populaire, une espèce de chanson un petit peu balade qui a marqué plusieurs films, dont. Quel film donc ça joue? Dans Click, là? Le film Poche Click? Oui, avec Adam Sandler. Ah, voilà! C'est la seule place où je me rappelle que j'ai entendu cette chanson-là. Mais elle joue partout, cette chanson-là. Puis Zombie, et non Scarabée. Ode to My Family, qui est un bel ode à sa famille, pour ne pas traduire mot pour mot. Et Free to Decide, qui avait un super de beau clip là-dessus, qui parlait de la liberté mondiale et la liberté personnelle. C'était un peu un mix des deux. En tout cas, moi, je les aime bien gros, The Cranberries. Ça m'a bien marqué mon enfance. Et sur ça, j'aimerais ça entendre la chanson... Salvation, qui vient de leur troisième album, je pense. To the Faithful Departed? Oui, To the Faithful Departed, qui est vraiment un album excellent, ma foi. Alors, on entend à l'instant et très bientôt Salvation de The Cranberries. Dans la... les croustines, la tartine. Tartine! Oui, j'aime ça, tartine de Justine. T'es fine. Oh. Do it, 'cause it's not what it seems. Donc, c'était Salvation de The Cranberries, un grand hit de leur album To the Faithful Departed. Dans la tartine de Justine. Dans la tartine de Justine. Pas à l'extérieur, dedans. Moi, mes tartines, quand je t'attire, j'ai beurré, j'ai plié en deux. Puis là, l'émission se situe entre les deux, dans le pliage. Mais tu peux beurrer l'extérieur d'une tartine aussi. Hein? Ouais, mais t'as de l'icon quand tu viens pour le manger puis tes doigts sont tous pleins de merde. C'est plus fun. T'es donc bien strict. Pas t'es pire que ma mère. Hey Mathieu, hey, oui. T'es gourmand toi? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. M'as-tu vu? Justine, toi, est-ce que t'es du type gourmand? Ah, hey, non, mais moi, là, j'ai toutes mes dents sont sucrées puis sont toutes cariées d'ailleurs. Hey, j'ai quelque chose à vous proposer en fin de semaine à Trois-Rivières. Bon, tantôt, je disais, il se passe des tonnes de quoi, choses. Je sais c'est quoi. Je peux-tu l'auter de... Vas-y. C'est les délices d'automne! Oui! J'espérais que ce soit ça, parce que sinon, j'avais d'icon. Les délices d'automne, c'est en fin de semaine du 3 au 5 septembre au Parc Portuaire. J'ai juste lu sur le site internet ce qu'il allait avoir là-bas à déguster. Là. Tu lis, la bave te coule. Ah oh, oui, c'est clair. Mmh. Il y a des saucisses avec des trucs dedans. Mmh. Il y a des microbrasseries qui sont là, du miel, il y avait du chocolat, du cidre. Tu sais, toutes les choses que tu lis, tu fais juste le regarder là, et c'est fini. Là, tu veux y aller. Donc, en fin de semaine, profitez-en parce que moi, je crois que je vais y aller. Acheter quelques billets pour faire des dégustations parce que ça a l'air tellement bon. Là. Ça vaut certainement la peine. Moi, je suis allée l'année passée puis j'ai fait la dégustation de plusieurs produits qui proviennent juste de notre entourage. Dans le fond, c'est la fine fleur de la bouffe québécoise. Là, c'est ça, le terroir. Là. Le terroir. Pas le tiroir, le terroir. Puis, moi, j'avais mangé... Ce que je me souviens avoir mangé qui m'avait vraiment frappé, c'était des saucisses de pintarde absolument délicieux. Mmh. Fouille-moi, c'est quoi une pintarde? C'est quoi? C'est un oiseau, ça, une pintarde? Tu te oui. connais là-dedans? Ah ben oui, c'est sûr. Ornithorynque que tu es. Ah oui. Je sais pas quelle sorte de bruit ça fait, là. Ça m'a l'air de faire un... C'est bon. Malaise. Zoologie. Donc, t'avais goûté. Oui, j'avais goûté à des saucisses de pintarde et j'avais aussi mangé des gaufres fraîchement faites. Mm. Genre des gaufres là, il y a la pâte là, puis ils mettent ça dedans. On sait ce que c'est, les gaufres. La gaufrière. Mm-hmm. Là, ça sort, puis c'est un gaufre. Là, tu le manges dans ta bouche, puis ça s'en va dans tes fesses, ça mais c'est comme bon. Ah, puis autre chose qu'on avait aussi mangé, c'était vraiment bizarre ça, c'était une slush à la fraise. Moi, ouais, j'ai vu ça sur le site. Mais ça, c'est vraiment bon. Ça a l'air bon. Je vous jure, ça goûte. C'est un smoothie plus qu'une slush. C'est vraiment des vraies fraises faites en... Non, c'est vraiment une slush. Non, mais ça a l'air bon, comme une question. Hey, je te dis pas. Un Roger. Tu dis pas si c'est bon. Roger? Tu m'as-tu pas ça a été Roger? Puis les odeurs qu'il doit avoir là-bas aussi en marchant, là. Ah non, mais écoute, mais par exemple, la chose, c'est que c'est extrêmement plein. Puis, une affaire, c'est qu'il devrait vraiment installer un dispositif quelconque pour que la file d'attente se fasse moins laborieusement, parce que sérieusement, là, c'est free-for-all. Là. Écoute, un peu plus, les gens ils se pitchent en bas du Saint-Laurent. Là, là. Ça se bat, ça s'arrache les cheveux. Tu t'amènes une sacoche pour frapper les gens. OK, avec une brique dedans, de préférence. Ben oui, puis un fanal. Oui, c'est ça. Voilà, mais c'est... délicieux, ça vaut la peine. Moi, je suis pas une fanatique de bière. Monsieur qui aime la bière, c'est sûr, vous allez vous. Il y a de la bière à tous les coins de rue. C'est même si c'est pas une rue, il y en a à tous les coins. Toutes les sortes de chemin, tu sais. Tout. Il y en a vraiment beaucoup de stations en plus. Mais si vous voulez y aller, si vous souhaitez aller faire un tour, il y a des passeports qui sont en prévente au IGA. Mmh. Donc à Trois-Rivières, au prix de 20$. Ça inclut des billets de dégustation. Le transport en autobus gratuit et des surprises. Ils disent pas c'est quoi, ils disent qu'il y a des petites surprises avec ça. Une saucisse dans le sac, quoi. Donc, une pintade. Faites vos saucisses. Ah, ça, c'est une dinde. Ah, plus, hein. Donc, en prévente au IGA, sinon, c'est 35$ là-bas en arrivant pour les surprises, dégustations, etc. Et sinon... le thème de cette année, c'est l'Espagne, donc la culture d'Espagne. Il va y avoir des combats de chefs. Ah oui, mais ça, il y en avait l'année passée, je les ai manqués, mauditement. Ah, j'ai le goût d'y aller. Et si vous voulez y aller, juste faire un petit tour, puis vous vous dites, moi, je veux tellement goûter à la slush aux fraises, bien, il y a des billets qui se vendent un à la fois, ou sinon, vous pouvez payer une dizaine de dollars, et vous en avez une dizaine de billets à peu près. Donc, ça peut valoir extrêmement la peine. Oh oui. Et ça, c'est samedi, dimanche et lundi, 3, 4 et 5 septembre. C'est quoi, lundi? Ah ben oui, lundi, excusez-moi. C'est férié, excusez-moi. Ça fait travail. C'est ça, là. Je travaille lundi. Ben oui. C'est plat. Si vous voulez avoir plus d'informations, c'est délicesdautonne.qc.ca. C'était quelqu'un qui mange, et non pas quelqu'un qui essaie de cracher quelque chose? Non. Quelqu'un qui... Allez-y. Oui, allez-y. Oui. Ouais. D'autres sons comme ça? Non. T'avais la dinde, t'avais la... On je la peux être la bruiteuse hein, de Assemblage Rocky. Vas-y, fais ce que tu veux. Ah non, tu me naises. Ben, tu l'as demandé. Oh non. Non, mettons une pintarde, là. Oui, une pintarde. Mais je suis sûre que ça doit ressembler à une dinde. OK. Mais peut-être plus grand. Ah, plus, peut-être plus aigu. Ah! Comme ça. Ah! Ouais. Les Amérindiens aussi sonnent comme ça un peu, des fois. Non, ça, c'est. Oh, oh, oh, oh. C'est proche. Ouais. Voilà, tu peux remettre. C'est ça? C'est manger? C'est un. Ah, ouais, non, non. Non, c'est vraiment long. merci beaucoup, Justine. Ça m'a fait plaisir. En fait, c'était plus merci à Marie-Pierre d'avoir amené oui, le sujet. Oui, merci. Mais Justine avait un témoignage, donc j'avais un témoignage. Oh non, c'est vraiment absolument. Là. Je comprends pas ceux qui sont pas là. En ce moment, là, c'est pas ouvert. C'est pas encore ouvert. Pour ça. Je comprends pas ceux qui y vont pas. Je veux dire. c'est au coin de la rue. Ou du chemin, ou de l'avenue, ou du boulevard. Ah, moi, j'ai à côté du fleuve. Juste à côté. C'est ça. Là, tu y vas. Take a kayak. Tu sais. Oh, c'est ça. Take a kayak! C'est vieux, ça, ouais. Là, je m'excuse. Grâce à Stéphane Céline. Ouais. OK. Donc, on va l'entendre la prochaine position du palmarès de Marie-Pierre. Pourquoi pas, oui. S'il te plaît. On était rendu à quelle position? Si je ne me trompe pas, on était en position 6 avec la chanson de PG Harvey, The Last Living Rose. Ah, ça, il faut que je commence à l'écouter. C'est pour ça qu'elle est bien bonne. Absolument que tu écoutes le CD. Voilà. Mm. Ben, je suis un petit peu triste que je n'ai pas encore fait la connaissance de PJ Harvey dans mes oreilles. Tu vas la faire là. Là, oh my God, j'ai hâte. Donc, Justine, pendant qu'on s'en va entendre la chanson, fais-nous le bruit d'un kayak qui se rendrait jusqu'à la pièce. On est rendu. Of ages and battered books and fog rolling down behind the mountains on the graveyards and Dead Sea captains. Let me walk through the stinking alleys to the music of drunken beatings past the Thames River. PJ Harvey, The Last Living Rose dans la vie de croisière d'assemblage Rocky. C'est dans le palmarès de Marie-Pierre. Il te reste combien de positions dans ce palmarès? Il m'en reste 5. Ah ben, ça donne bien parce qu'il nous reste une heure complète à faire. Il me reste des chroniques à faire. Il te reste une chronique littérature, entre autres. Oui, et une suggestion de sortie d'automne. Autre que les délices d'automne. Il va falloir aller en pause pour revenir le plus vite possible pour rater ça. Hein? Hein? Ça? Oh, oui. Tu restes un peu si t'en vas? Toi? Ben, il faudrait que je parte bientôt, mais... Je sais, je suis une femme occupée. Ben oui. Une femme d'action, une femme d'affaires. Non. Non? Non. Une femme de science. Ah. Ouais. Une femme en général. Ouais. Bon. Donc, restez là. On revient quatrième heure de la vie de croisière d'assemblage requis dans quelques minutes à peine. En fait, c'est la dernière heure de l'été. Oh non! On saute tous en bas du bateau à go. Bon, c'est la dernière heure de la vie de croisière d'Assemblage requis pour cet été. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On va en profiter, cette dernière heure. La semaine prochaine, on reviendra avec les palmarès si fous tous les jeudis entre 14h et 17h, mais toujours avec Marie-Pierre et Mathieu Plante. Oui. On pourrait annoncer en exclusivité pour la première fois à la radio, on l'a pas dit encore, Justine va revenir nous voir dans les palmarès c'est fou les jeudis parce que c'est là qu'elle est le plus libre et le plus libre d'esprit et ouverte de ses paroles, de choses plus ou moins dégueulasses, là, mettons. Mais elle va être de retour avec ses histoires de peau et tu dis rien, hein? Tu veux de juste peau de poutine et de tartine. De peau de poutine. Ah, on dirait un pot de poutine, comme je te mets une poutine dans un pot, ça. Genre pour emporter. Non? Mais tu vas être là, c'est ça? Si! Si! Ouais. C'est Signorita, mais. Ah! C'est moi? Tu parles à moi? Mais oui. Parce que c'est elle, Signorita? Ouais. Ouais, Signorita, Signora. Bonne chose à bonne place, ok? Hein, Justin? Cerveza. Cerveza, por favor. Un café mocha. Non? T'as pas de chercher un café mocha? Ben ouais, mais là, regarde, pas un gars d'accent. Est-ce que je ressemble à Stéphane Rousseau? Oui, un peu. J'ai dit la dernière. Non. C'est les cheveux. Mais il va falloir que je change mes cheveux, on dirait, hein? Non? C'est ça? Sur ce moment. On a le temps aujourd'hui de faire des malaises en masse. Il nous reste comme 15 chroniques à faire en une heure. Fait qu'on va aller en musique. Merci, Justine. À la semaine prochaine, jeudi, peut-être. Merci, Justine. Ciao, Bella. Bah, ça, c'est Bello, là, j'imagine, pour un gars. Hey, ficello, toi, là. Ficello. Marie-Pierre? Oui. On va consulter ton palmarès tout de suite, pendant qu'on a encore du temps. On va l'entendre deux pièces. En cinquième position, les Black Keys avec Tighten Up. Et en quatrième position, Twin Shadow avec Slow. Wow! Belle découverte de l'été, Twin Shadow. Oui, c'est vrai. Et plus tard, ta chronique littérature et une autre petite suggestion de sortie avec toi. Oui. Ouh, ça va être chaud. Muy caliente. Non? C'était de l'espagnol, ça? Good. Slow de Twin Shadow dans le palmarès de Marie-Pierre à la vie de croisière d'assemblage requis. Position numéro 1. Numéro 4. Numéro 4, bien sûr. Il nous reste les trois premières tantôt à entendre, mais avant ça, on accueille Stéphanie Gagné. Voici sa chronique « Ton plat favori ». Bonjour Stéphanie, en direct par téléphone. Bonjour Stéphanie, ça va? Oui, ça va, vous autres? Oui, merveilleusement. Où es-tu située en ce moment, chère? Je suis couchée sur mon lit. Je parlais de ville, mais d'accord, je vais le prendre. À Gatineau, toujours. Toujours à Gatineau, on ne bouge pas? Non. Ton automne... excuse-moi, je pense qu'il y a une pièce qui joue en arrière. Voilà. Donc, on disait, t'as commencé tes cours, t'es rendu à l'école à temps plein en ce moment, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai commencé hier, mais j'ai pas de cours le jeudi, donc pas d'école aujourd'hui, et demain non plus, et lundi non plus, donc je recommence mardi prochain. Parfait. On va pouvoir s'attendre, oui, à une de tes chroniques le matin dans l'assemblage requis à partir de la semaine prochaine. Oui! Mais pour l'instant, t'es encore le jeudi avec nous dans la vie de croisière, l'assemblage requis, pour partager des coups de cœur, comme on aime tellement t'entendre le faire. Oui, avant de mentionner mon coup de cœur de la semaine, je voulais juste dire que Facebook m'a dit aujourd'hui qu'il y a 2 ans, je préparais ma première émission assez fou. Oui. Ah, une pébèche en mission? Oui, exactement. À l'époque, les pébèches en mission, évidemment. Oui, c'est ça. Mon Facebook m'a dit que mon statut était en 2009, que j'étais en train de préparer ma première émission assez fou. Ouais. Et à la même date environ, sûrement, on est en train de préparer la première édition de l'Assemblage requis, parce qu'on a commencé tous les deux ces émissions-là à l'automne 2009. Ouais. C'est beau, bon. Mais bonne fête. Alors, je sais pas si c'est plus un deuil que d'autres choses, là, genre, c'est un petit peu triste comme événement, non? Non, c'est pas grave. Pas grave. T'as des chroniques encore, t'as une présence, c'est juste que t'as pas une heure complète à remplir. C'est ça. Voilà. Ouais. Mais ça me manque un petit peu, par exemple. Mais c'est pas grave, je vais continuer avec... Mon coup de cœur de la semaine, c'est assez rare que je parle d'une émission. Qui n'est pas Grey's Anatomy. Non, c'est pas Grey's Anatomy. Non, c'est une série que ça faisait vraiment longtemps que j'en entendais parler. Probablement que tu m'en as déjà parlé, oui. Tout le monde m'en a parlé. C'est How I Met Your Mother. Excellente émission. Comment je l'ai rencontrée, évidemment. Ouais, c'est ça. Tout le monde m'en parlait et... Moi, je me disais, oh non, j'ai déjà écouté un épisode, j'ai pas trippé tant que ça. Mais là, il fallait vraiment que je l'écoute. Et j'ai écouté toute la première saison en 24 heures. Et t'es oui. C'est vraiment la folie. Ça fait mal aux fesses, ça? Ah, mais coucher dans mon lit, c'est moins pire. Ouais, vu de même. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai écouté toute la première saison en 24 heures. J'ai adoré. Et là, j'attends de commencer la deuxième saison, sûrement cette semaine. J'ai vraiment hâte, mais étant trop curieux, j'ai déjà lu ce qui se passait sur Wikipédia. Non! Je suis vraiment nul. Mais t'es comme ça. Je sais que t'es comme ça. Ma copine est pareille. Moi, j'ai ça, le monde qui font ça. C'est des surprises. Caroline, il y a tellement de scènes dans la saison 1 que quand tu t'y attends pas... Moi, en tout cas, j'étais rempli d'émotions dans la scène avec les petits gâteaux. Là. Ah, mais, c'était beau. Mais Stéphanie, c'est quoi How I Met Your Mother? C'est quel genre d'émission? C'est quoi l'histoire? C'est un sitcom américain qui a commencé en 2005. Dans le fond, je trouve que ça ressemble un peu à Friends. Ouais. C'est dans le fond une gang d'amis à New York. Puis dans le fond, c'est leur niaiserie. Mais c'est surtout mis dans le contexte de l'émission. La première émission commence, puis c'est... on entend quelqu'un qui parle, qui dit à ses enfants qu'il va leur raconter l'histoire de comment il a rencontré leur mère. Fait que lui, il revient à peu près 20 ans avant, puis blablabla. L'émission au complet est un flashback en 7 saisons à date, genre. Le concept est un petit peu tiré par les cheveux rendu à cette saison-ci, mais bon. Ouais, ben c'est tellement bon. Moi, ça me fait vraiment penser à Friends. C'est juste des amis qui déconnent, puis tout ça. Ils se rencontrent dans un café. C'est sur le même calque que toutes les sitcoms depuis à peu près 15 ans. Hein. Ouais, mais c'est tellement bon! Oui, mais c'est ça. C'est qu'eux, ils ont pris le concept de la sitcom américaine depuis 15 ans, mais ils l'ont filtré jusqu'à ce que t'aies seulement le jus du meilleur d'une sitcom et condensé dans un intense bouquet de saveurs. Ça va nulle part, ça fait là. Ça ressemble à ça. C'est tellement drôle, là, avec Neil Patrick Harris dans le rôle de Barney. Oui. Oh, mon Dieu, qui est drôle avec son Legendary, puis C'est l'émission des années 2000-2010 qui crée le plus de catchphrases, de petites phrases accrocheuses que les gens vont utiliser pendant des décennies à venir. Un peu comme dans Friends, How you doing, ça m'affaire, mais fois mille, ça. Ouais, c'est ça. Comme moi, suit up, là, c'est sûr que je vais le dire. C'est sûr. C'est sûr. Puis Legendary aussi. Exact. Enfin bref, j'aime vraiment cette émission-là, j'ai vraiment accroché. Puis je suis vraiment contente parce que, dans le fond, ils ont signé un contrat, puis il va y avoir 8 saisons. Il y a la 7e qui va commencer sous peu, en septembre. Mais il va aussi avoir une 8e saison, donc on en a encore pour un petit bout de temps à en profiter. Ouais, on espère qu'ils vont battre des records d'épisodes, parce qu'il faut pas que ça arrête cette émission-là. Ça va être triste. Ah non, c'est tellement drôle. Mais on s'entend qu'ils n'ont pas le choix de rencontrer la mère à un moment donné, parce qu'après cette saison, la mère n'est pas encore rencontrée. C'est une histoire qui retourne loin en arrière pour ces enfants qui doivent subir le monologue de leur père, finalement. Ouais, mais au début, on voit que c'est situé en 2030, je pense. La série en tant que telle, les enfants assis sur leur divan, c'est en 2030. Et le flashback commence en quoi, 2005, je pense. OK, donc ils ont le temps en masse, hein? On pourrait avoir 25 saisons, hein? Ouais, ah. C'est ça, pourrait. Mais je pense pas qu'ils vont faire ça, par contre. Ouais. Fait que c'est ça, c'est vraiment une excellente série. Et la chanson que je voulais faire jouer, c'est la chanson thème de l'émission. C'est le groupe The Solids avec la pièce Hey Beautiful. Et en fait, ceux qui ont écrit l'émission font partie du groupe The Solids. Donc, on voit pourquoi ils ont choisi cette une pièce de leur propre groupe pour l'émission, mais ça fait vraiment, c'est vraiment... La version chanson thème n'a pas de parole, et c'est pour ça que c'était peut-être, au début, dans les premières saisons, difficile de trouver où était le thème de cette émission-là, et je crois que... Je sais pas si, au départ, il y avait la chanson complète ou s'ils l'ont faite par après. Je suis pas certain. Non, je crois que c'était vraiment une chanson complète dès le départ. En tout cas. Ouais, je pense que c'est une chanson complète. Mais The Solids avec Hey Beautiful, c'est ce qu'on va l'entendre dans les prochaines secondes. Oui, et j'en profite pour dire de aller visiter les sites internet de How I Met Your Mother. C'est vraiment drôle. Il y a des sites que Ted Mosby is an idiot ou je sais pas quoi là. Tout plein de sites à propos de l'émission, comme si c'était des vrais sites internet dans le fond. Ouais. Ted Mosby is a jerk.com. Ted Mosby is not a jerk.com. Le blog de Barney, en tout cas, c'est vraiment drôle. Ah, c'est rempli de c'est tellement bon, c'est rempli de running gags, là, que tu sais, il faut vraiment que tu tapes la série au complet pour comprendre. T'sais, si tu regardes l'émission en tant que telle juste une fois de temps en temps, tu vas la comprendre, tu vas aimer ça pareil. Mais il y a des choses qui se suivent, des relations qui se développent entre les personnages. Je sais pas où t'es rendu en ce moment, Stéphanie? J'ai juste écouté la première saison. OK, OK. Je crois que je suis rendu à la saison 3, donc je suis en retard moi aussi là-dedans, mais... Elle va te rattraper en 2 jours. Probablement. C'est clair. Est-ce que tu vas avoir une journée par semaine qui va être dédiée à écouter une saison complète de Mother? Ah, mais je pourrais pas, vu que l'école vient de commencer, fait que je pourrais pas en écouter autant, mais je vais essayer d'en écouter une fois de temps en temps quand même. Ouais. Mettons, d'ici Noël, je vais probablement toutes les avoir vues. Wow! Ça va coûter cher de DVD. Ouais, en effet. Ouais. Merci beaucoup, Stéphanie. On va te retrouver la semaine prochaine dans l'émission matinale. Est-ce bien le cas ou est-ce que tu vas commencer par tes cours et puis on reprendra la chronique plus tard? Ah oh non, ça va être avant mes cours. C'est le lundi ou le mardi, si je me trompe pas. On se confirme ça. On se confirme ça sur Facebook, ma chère. Good. Merci beaucoup et puis passe une belle semaine. Passe de bons cours, de bons moments et puis un excellent futur à toi. Merci, à la semaine prochaine. Salut. Phrases, n'importe comment. Bye. Bye. On écoute donc The Solids et Hey Beautiful à la vie de croisière d'assemblage requis sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Ça commence maintenant. Là. Oui, là. Attends un peu. Et vive Internet! Là. Tu m'énerves. Ce site-là m'énerve. Ce site-là, je l'aime pas du tout. T'sais. C'est comme ça. Et après 30 secondes, de moments inconfortables. Ça fonctionne pas. Ah, oh. Aïe, tu me niaises vraiment, là. Tu me niaises. OK, c'est pas grave. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis. On s'en va l'entendre dans quelques secondes. Juste le temps de vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur internet assemblagerequis.com. Il y a aussi, évidemment, la page Facebook d'assemblage requis avec le beau petit bateau qui va changer pour autre chose bientôt parce qu'on va être de retour sans bateau. Ah, Colin, la vie sans bateau, comment est-ce qu'on va faire ça, Marie-Pierre? Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. The Solids et Beautiful, tout de suite. Aha! Ça aurait été long, mais quel succès! Wow! The Solids avec Hey Beautiful dans la vie de croisière de l'assemblage Rocky. C'est la chanson thème de l'émission How I Met Your Mother. Comment je l'ai rencontré? Maintenant, à l'émission, c'est la chronique littéraire de Marie-Pierre. Ah, enfin le retour de la chronique littéraire avec la fée des livres elle-même. Oui, ça faisait un petit bout que j'avais pas parlé d'un livre ou... J'avais pas parlé de littérature. Quelque chose fait en papier, en général. T'as pas... De quelque chose fait en papier, c'est ça, si tu veux. Ouais, et des arbres morts et tout. Aujourd'hui, je vous parle du livre... c'est un recueil de poésie de Bernard Pausier qui se nomme « Agonique agenda ». Et c'est un drôle... bon, je vais vous le dire tout de suite, c'est un livre qui est triste, OK? C'est un recueil de poésie, mais des poèmes qui touchent un sujet qui est pas nécessairement très souvent abordé, mais qui va être très, très touchant. Ce livre-là, il est dédié à l'amoureuse de l'auteur, Bernard Pausier, avec qui il a été 30 ans et qui est morte d'une maladie à l'hôpital. Donc, c'est ce qu'on comprend dans le recueil de poésie. Mmh. Et, bon, c'est l'agonique agenda. C'est l'agenda, entre autres, bon, à l'hôpital, les derniers moments de sa femme, mais également l'agenda après la mort de sa femme. Donc, c'est comme un certain livre dans lequel il purge sa peine, en fait. C'est... il écrit son deuil comme une manière de le vivre et de passer à autre chose. Oui. On sent que c'est ça. Oui. Oui, c'est... Et c'est très, très, très touchant. OK? Je vous le dis à l'avance, moi, je l'ai lu et tu le relis et t'es encore touché une fois après. Ça a quelque chose, une sensibilité qui est très... c'est dit avec les mots, des bons mots pour dire les vraies choses. Donc, c'est très, très touchant. La structure du recueil est intéressante parce que c'est 31 poèmes. Donc, 31 poèmes, ça rappelle... Oh, il y a certains mois qui ont 31 jours. Oui. Donc, de là, le rappel de l'agonique agenda... il y a deux poèmes par journée. Un qui semble plutôt être les faits, donc des souvenirs d'à l'hôpital, des poèmes qui concernent l'après, donc que lui écrit en nous parlant à nous, en parlant à sa femme et en parlant pour lui. Donc c'est un mélange de tout ça. Il va dire « tu » en parlant de sa femme. Il va dire des trucs plus généraux sur le deuil en général. Donc c'est 31 poèmes. Le premier... Ouais. Non, c'est 31 poèmes fois 2. C'est ça, 2 poèmes par poème. Et, ouais, en tout cas, il y a un poème sur des événements, les souvenirs, et l'autre poème qui semble avoir été écrit après coup. Donc, par exemple, c'est comme si, moi, l'impression que ça me donne, c'est que l'auteur a relu des notes qu'il avait écrites probablement peu après la mort de sa femme et les a relues. Et ça donne l'impression qu'il a réécrit un autre poème sur les mêmes événements parce que c'est le motif du poème qui revient dans un autre poème. Okay. Donc, c'est une drôle de structure qui est très agréable. Est-ce que tu pourrais lire le livre avec les premières tranches d'un coup sec, puis après ça, lire la deuxième tranche pour faire un peu comme lui l'a écrit? Ça pourrait être bien. Je ne sais pas exactement s'il l'a écrit comme ça, mais moi, quand je lis, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Okay. Donc, oui, j'imagine qu'il y aurait moyen de lire un côté de page seulement et ensuite le relire l'autre côté de page. Donc, ça, c'est un écho. Chaque poème est un écho de celui qui le précède. Et aussi pour ce qui est du contenu, on voit l'auteur a écrit oui le deuil, oui la mort, oui la maladie, mais c'est un amour fusion. Donc on sent dans l'écriture, on sent dans les mots qu'il choisit que c'était pas juste une amourette, c'était pas une amourette, c'est un amour puissant de 30 ans. 30 ans, c'est beaucoup de temps, hein, 30 ans. C'est énorme. Donc on le sent ça, on sent l'osmose dans le livre entre les deux personnes et il y a une citation que j'ai pris qui résume tout ça. Il termine son poème en disant « Moi qui n'ai toujours su qu'être deux ». Donc, c'est comme une moitié sans sa moitié qui nous parle. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment... Moi, c'est la première fois que je voyais quelque chose comme ça dans un livre de poésie. Donc, c'est à lire. Il nous parle de la difficulté à vivre sans l'autre. Donc, c'est à la fois un deuil et une peine d'amour. Donc, c'est vivre sans la moitié. Et c'est très touchant. C'est une belle sensibilité. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire pour le lire. Aussi, il y a des références littéraires à travers tout ça, donc parce que c'est deux littéraires. Donc, moi, ça vient me toucher en plus. C'est ton domaine. Moi, il y a des choses dont il parle que tu dis... il va chercher des références. Il y avait l'amour de la littérature qui les unissait. C'est ce qu'on ressent à travers le recueil. Donc, je vais vous en lire quelques extraits. Donc, la beauté dans la douleur, là, on peut résumer ça comme ça. Je vais vous en lire un ou deux poèmes. Donc, le poème numéro 5. À la voir lentement se dégrader, quand ta main ne trouve plus le papier, quand les signes ne suivent plus ton désir ou quand les lettres ne trouvent plus leur forme, on saisit bien que l'écriture est le sismographe exact de l'âme et du corps. Je tiens ta main, une fois encore, traçons tes initiales. Dans cet avion qui revenait de Macédoine et qui a refusé de tomber davantage, je le sais, tu le sais, nous avons raté notre mort. Nous aurions pu périr ensemble, en un instant, sans rien connaître de cette maladie, de ses médications maléfiques, de ses pertes, de ses rétrécissements presque sans fin, de cette fin sans rien. Et un dernier. Je dis toujours « nous », car « je » n'est pas notre histoire. Mais c'est bien toi, martyrisé de sang et de sanglots dans ce monde sans justice ni finalité. Alors c'est moi qui salue ces enfants que nous n'avons pas eus et que tu aurais tant aimés. Au moins, ils n'auront pas vu leur mère mourir ainsi. Donc c'est très, très, très touchant comme recueil. Tu le lis, tu te dis... Oui, c'est touchant, c'est triste, mais c'est tellement bien écrit que t'as le goût de le relire. Donc. Ouais. Fait que moi, c'était la troisième fois que je le lisais. Donc, c'est beau, c'est touchant, c'est tout à la fois. Donc, je vous le conseille fortement. Agonique Agenda de Bernard Pausier. C'est sorti en 2009, donc ça doit être assez facilement repérable en librairie chez Clément Morin. C'est sûr, certains qui l'ont. Sinon, il y a moyen de le faire commander. Donc, je vous le recommande fortement. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça a l'air difficile à lire, je trouve. Moi. Ça a l'air difficile, mais on dirait que c'est comme... Ouais. En même temps, tu dois d'écouter le livre. C'est les deux à la fois. C'est beau, ça fait peur, c'est laid, mais c'est beau. C'est un peu paradoxal. Ça serait bizarre encore plus en livre audio. Si c'était lui, l'auteur même qui lisait. Oui, c'est en performance, ça doit être c'est ça. À pleurer. Voilà. En effet. Mais merci, Marie-Pierre. Mais ça fait plaisir. C'est un peu plus triste, mais je tenais à vous le partager. Voilà. T'es vraiment joyeuse en général. Il faut bien des fois ramener ta moyenne près du zéro. Le lien, tu vas le mettre sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Oui. D'accord. On va continuer avec ton palmarès. Il nous reste des positions 3, 2 et 1. On va se les écouter de suite pour avoir le temps de terminer le palmarès de la semaine anglophone et francophone. Donc, allons-y avec la position numéro 3 pour commencer. La position numéro 3, Charlotte Gainsbourg avec Heaven Can Wait. Et ce sera suivi de Avi Buffalo et avec la chanson What's In It For. Cool. Donc, position numéro 3 pour commencer, Charlotte Gainsbourg, Heaven Can Wait. Tu nous parlais du petit vidéoclip à aller voir absolument. Oui, allez voir le vidéoclip. C'est spécial et tu le redécouvres à chaque fois que tu l'écoutes. Un peu comme ton recueil de poésie. Comme le recueil de poésie. Le regarder plusieurs fois. C'était la vie de croisière d'Assemblage Requis pour encore une petite demi-heure. She's fighting the urge to make sad love of power. 5, 9, 8, 7, 6, 5. Vous êtes assez fou. Vous l'écoutez. 89.1. Croisière, assemblage, Rocky, c'est fou. Tear. Comment c'est ça, Avi Buffalo? Avi Buffalo. Avi Buffalo avec la pièce What's in it for dans la vie de croisière l'assemblage requis. Nous reste seulement le numéro 1 du palmarès de Marie-Pierre depuis les dernières années. Il n'y a pas de nom catchy derrière tout ça, mais le palmarès de Marie-Pierre depuis les dernières années, mais c'est pas nécessairement récent, c'est pas nécessairement de 2 ans. Voilà. Point com. Ouais. Donc, avant de passer au numéro 1, on a encore une petite activité de sortie, en fait. C'est toi qui vas nous suggérer quelque chose. Oui, une sortie d'automne, parce que, bon, l'été est terminé, presque. Ouais. Bon, on sent que ça commence à refroidir, mais c'est pas pour autant la fin des activités, parce qu'il y a des activités d'été qui se continuent l'automne. Et c'est ça, la magie. La magie. Oui, parce que j'ai découvert, j'ai entendu parler d'une activité. T'es déjà allé aux chutes, Montmorency? Non, je crois pas. OK. Parce qu'aux chutes Montmorency, oui, tu peux aller marcher là, aller voir les chutes, faire un peu de randonnée, descendre des escaliers, les remonter parce qu'il y en a à l'infini. Mon passe-temps préféré. C'est ton passe-temps préféré. Mais si vous êtes déjà allé, vous avez probablement vu des personnes portant un casque, un harnais et escaladant un peu les parois rocheuses. Ah. Et moi, c'est ça que je vous propose de faire aujourd'hui. Des choses dangereuses encore, toi. C'est pas dangereux, c'est très sécuritaire. Ah, OK. Hein, Mathieu? Ben, tu me l'as dit, hein? Elle me l'a dit. Donc, c'est une activité qui s'appelle Via Ferrata. C'est une activité, comme je l'ai dit, casque, harnais, sensation forte ou moins forte selon le niveau que vous voulez prendre. Ah, OK. Donc, c'est vous allez être attaché et vous allez suivre les parois, vous allez suivre les falaises, vous allez passer sur des ponts suspendus au-dessus des cascades. Il y a même possibilité de descendre des falaises, bon, un peu comme en escalade. Oui, la décalade, la décalade, c'est peut-être première, je pense. Ils disent, mais tu sais, quand Quand tu te laisses aller, assurer, là. Ouais. Bon, je sais pas exactement comment. Tu te fais descendre avec la corde, là. Ouais, tu te fais descendre avec la corde. Donc, il y a toutes ces possibilités-là à cet endroit-là. Il y a aussi également, à la fin du parcours, une tyrolienne. Oh. Et on dit que c'est une tyrolienne à 60 mètres dans les airs. Tyrolienne, c'est le truc sur accroché en. Ouais, c'est ça, tu descends avec. Ouais, avec. Tu descends de pente. Un zipline qui appelle, genre, en anglais. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Ça a l'air vraiment, vraiment. Ça a l'air vraiment le fun. Et il y a différents forfaits. Il y a un forfait familial qui dure environ 1h30. Il y a un forfait plutôt... ils disent un forfait... voyons. De luxe. De voilà, luxe. Premium Pro Edition. Oui, un forfait de luxe qui permet de descendre plus près des chutes. Et il y a également un forfait extrême. Donc, pour ceux qui en veulent plus. Ouais, ouais. Et ça varie entre 1h30 et 3h30 pour la durée de l'activité. Et le prix, c'est entre 40$ et 100$ environ. Donc, si vous voulez avoir une petite activité plus soft, profiter de l'air frais des chutes, par exemple, ben, c'est ça, dans le fond, plus vous payez, plus vous en avez pour votre argent. Comment tu les appelais il y a 2 semaines, les mous, la suggestion sortie pour les moelleux? Les frileux. Les frileux. Les voilà. Frileux. J'ai apporté les mots. Donc, il y a ça à faire. Et également, si vous voulez juste aller vous promener aux chutes, apporter un pique-nique, puis vous voulez faire la tyrolienne. Oh. Ah. Et vous voulez faire la tyrolienne, c'est 20$. Donc, il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est Via Ferrata. Via Ferrata. Et si vous voulez plus d'informations, c'est sur le site rockgym.com, rockgyms.com. Il y a différents forfaits à différents endroits, Charlevoix, au Mont-Saint... Voyons, pas au Mont-Saint-Anne, au Canyon Saint-Anne. Donc, il y en a à différents endroits, mais moi, je vous propose aujourd'hui au Chute Montmorency, au Canyon Saint-Anne. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Allez-y, ça vaut la peine. Avec l'automne, avec les couleurs des feuilles, je sais pas, la tyrolienne, ça doit être assez impressionnant. Ouais. Moi, j'avais une petite chose à vous dire, à vous rappeler, en fait. Non seulement, tantôt, on parlait de la page Facebook d'Assemblage Requis. Oui. J'ai remarqué tout à l'heure, avec Danny Janvier, qui s'est ajouté à nos fans, qu'on est rendu à 99 personnes qui aiment Assemblage Requis. On est près de la 100e. Donc, 100 personnes, fans d'Assemblage Requis, en si peu de temps, mettons. Allez vous inscrire sur notre page, devenez amis, Assemblage Requis. C'est le petit bateau sur Facebook. Petit bateau. 100 personnes, quand même. C'est vrai qu'on se force pour inscrire nos amis. Hein. On va tous leur dire, ah ouais, mettez-vous fans. Bon. On est rendu à ta position numéro 1 de ton palmarès, Maga. Oui, un classique Arcade Fire avec Neighborhood numéro 2, Laika. Il y a plusieurs Neighborhood number ouais, quelque chose sur leur album. C'est un petit peu bizarre comment ils font ça. Donc, Laika, Neighborhood number 2, Arcade Fire, tout de suite. Où ça? Ah, c'est fou. Voilà. Mettons, voilà. Alexander! C'était Arcade Fire avec Neighborhood Number 2. Et like c'était that. Non pas ton numéro 2, mais ton numéro 1. Mon numéro 1. De ton palmarès. De mon palmarès d'été, 2 ans, etc. N'importe quoi, voilà. Un peu, genre, ce que ça te tente, là. Mettons. Oui, voilà. Voilà. Ta chanson préférée, une de tes chansons préférées de tous les temps. Oui. Qu'on pourrait dire. D'accord. Oui. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis. Nous reste une dizaine de minutes ensemble. On va aller entendre les positions. On va revenir en fait à notre palmarès. On vous l'a commencé en début d'émission. Le palmarès pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2011. Comme toujours, top 20 francophones et top 20 anglophones. On avait entendu comme une genre d'avalanche de nouvelles entrées. Et on avait sauté par-dessus tout le milieu du palmarès pour faire ton palmarès. Et là, on s'en va aux positions numéro 2. Donc, du côté anglophone, on va entendre Huckerville River avec Wake and Be Fine qui monte d'une place. Et du côté francophone, ça va être Bravo Funken avec Boîte à savon. Puis après ça, on revient et on se dit bye. Mm-hmm. Temporairement. Hein? Quand même. On se calme. Warm it up. Tic-tac, tic-tac, tic, le temps file et j'ai encore les mains dans l'huile. Du printemps, le tournoi des amants. Nous dévalerons les chemins, avalerons les balles de poing. En sarcophage à notre image, enfant d'un hiver dans le garage. Il y aura des fleurs dans chaque virage. Numéro 2. Position numéro 2 des palmarès de C'est fou pour cette semaine. Ça, c'était Huckerville River avec Wake and Be Fine. Et juste avant, c'était Bravo Funkin avec La Boîte à savon. Et voilà, c'est la fin de la vie de croisière d'assemblage requis pour l'été. Ah, notre dernier petit voyage de bateau. Avant qu'il coule. Ah, c'est pessimiste, ça. Ça a l'air vraiment comme ça ne reviendra jamais. Il s'en va au large. Oui, c'est ça. On le reverra plus tard. Faire une petite escale, c'est un bateau loué, pareil. On a pu, tu sais, notre fenêtre de temps était écoulée sur ce bateau. Comme on l'a dit plus tôt dans l'émission, on va se retrouver, Marie-Pierre et moi, avec les palmarès C'est fou, la vraie formule du jeudi après-midi, entre 14h et 17h. Notez l'heure, parce que cet été, on prenait 4h avec toutes les chroniques, entre 13h et 17h. Là, ça va être de 14 à 17h tous les jeudis après-midi. Et en rappel, les vendredis soirs à 17h, comme depuis des années, en fait. J'imagine que ça va rester. Sinon, il y a aussi la vie de juste l'émission Assemblage requis normal, pas de sous-titres, sur-titres ou n'importe quoi. Assemblage requis lundi au jeudi entre 7h et 9h. Ça commence mardi parce que lundi c'est férié. Donc soyez à l'écoute. Et toi, tu vas faire une chronique dans Assemblage requis aussi. Oui, comme... une fois de temps en temps, les lundis matins, 8h. 8h! Une belle heure que tu as choisie toi-même, hein? Parce que là, oui. Je vais avoir de t'avoir voilà. Imposé une case. Non, c'est pas le cas. Lundi à 8h, sauf cette semaine. Prochaine, ça va. Oui, exactement. Tout le monde comprend ça. Soyez à l'écoute de notre rediffusion, parce que comme c'est la dernière émission, elle va quand même être rediffusée. C'est samedi à partir de midi. Ce qui nous suit le jeudi, c'est La Sécheuse suivie de La Spirale à 18h. Les samedis, ce qui nous suit, c'est C'était fou, la saison 1 que j'anime en rediffusion. Et j'imagine qu'on va rejouer aussi lundi, étant donné que la programmation commence mollo d'habitude, entre 15h et 19h. On verra quand même les lundis. Voilà. On se quitte avec les positions numéro 1. Du côté anglophone, il y aura tantôt Black Lips avec Modern Art qui monte d'une place. Mais avant ça, Marie-Pierre... Ce sera les Breastfeeders avec La Fille dans la vitrine. Mais Mathieu, je voulais te dire merci de m'avoir permis d'animer avec toi. Ben, merci d'avoir accepté. C'était une première expérience, puis c'était le fun. Ben, j'ai c'est ça. J'ai l'œil, hein, j'ai l'oreille pour avoir pêché un poisson d'une qualité comme celle-là. Je pue pas trop. Au début de l'émission, c'était pas dégueulasse. Là, tu pues pas trop. C'est que des compliments. Non, mais j'ai vraiment apprécié animer avec toi. Sinon, je t'aurais pas demandé d'animer les palmarès. C'est fou. Et merci d'avoir accepté dans les deux cas. Tu fais une excellente co-animatrice, Marie-Pierre. Merci. C'est beau. On se quitte là-dessus. Donc, sur la petite chanson thème de fin que tu n'entendras plus si souvent que ça. On l'entend tout l'été. On va revenir avec les intros des palmarès. C'est fou la semaine prochaine. Bye, Marie-Pierre. Bye, Mathieu. Bye, tout le monde. Bonne semaine.